8 juin de l'année 2023, c'est la date où est produit cet enregistrement en compagnie de Berthold que vous voyez à l'écran. Donc, bonsoir Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Et donc, c'est David au micro que vous allez entendre. Et ce soir, j'ai le goût d'aborder plusieurs sujets avec toi. Et notamment la question à plusieurs millions de dollars. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un million, c'est pas comme avant, hein, avec l'inflation qui court depuis les derniers mois, avec l'augmentation du taux d'intérêt. Eh bien, j'ai comme question d'amorce à cet enregistrement. La question suivante, et les gens qui nous écoutent, vous pouvez également naturellement répondre à la question. C'est sûr que si vous désirez, vous pouvez le faire en bas de la vidéo présente. Donc, la question, c'est celle-ci. Advenant que du jour au lendemain, tu deviens multimillionnaire, qu'est-ce que tu ferais avec l'argent de disponible pour le reste de ton existence? Pour, dans le fond, t'occuper. Donc, si tu n'as pas de contraintes financières parce que tu deviens très riche, à ce moment-là, qu'est-ce que tu ferais avec le temps de disponible là, dans ta vie comme activité? Là? Mais réponds pas tout de suite. Je vais juste faire les annonces, puis après ça, on va revenir. OK. Mais avant d'avoir ta réponse, c'est sûr que les gens peuvent réfléchir à... ou vibrer à ce qui émerge en eux en termes de réponse. Il ne faut pas vous influencer tout de suite là, avec la réponse de Berthold. Avant d'explorer ta réponse, je voulais mentionner aux gens qui nous écoutent naturellement que Berthold est un YouTuber qui a sa chaîne dont vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement. Au fil des ans, bien, on a réalisé de nombreux enregistrements ensemble depuis plusieurs années. Et il y a aussi ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir la chaîne supramentale Berthold qui régulièrement a mis à disposition du public plusieurs centaines d'enregistrements. Et pour ma part, j'ai mis en ligne là, depuis le début là, dans mon audiothèque d'archive.org, donc au-dessus de 800 enregistrements. Donc, au fil des mois. Donc, c'est des enregistrements en format MP3 que vous pouvez aller y écouter. Sinon, bien, c'est sûr, par rapport à Berthold, bien, vous avez les nombreuses transcriptions qui ont été faites là, de ces enregistrements solo également avec moi. Et notamment, la possibilité d'aller avoir accès à 3 livres avec les segments plus significatifs de transcription. Donc, ça, c'est disponible sur le site web Diffusion Berthold, le feu de la parole, wordpress.com. Et c'est de l'initiative de Issia Perrin, que je salue. Même chose pour Didier Mignot, qui s'occupe du canal YouTube Supramental Bertha, auquel je faisais allusion il y a quelques instants. Sinon, en termes d'annonce, naturellement, pour les gens qui apprécient écouter mes enregistrements, eh bien, vous êtes toujours les bienvenus pour faire parvenir une contribution financière, un soutien à mes activités de diffusion web qui ont cours depuis plusieurs années et comme je mets à disposition plusieurs heures d'enregistrement, eh bien, c'est sûr que si vous avez de la gratitude par rapport à ça, vous êtes les bienvenus de me faire une contribution. Vous allez avoir les informations à ce sujet-là en bas de l'enregistrement présent. De ton côté, est-ce que tu avais des annonces à faire? Non. Sinon, je voulais quand même prendre un instant pour mentionner aux gens du public qui nous écoutent au fil du temps que des fois, je me permets de faire l'avocat du diable avec Berthold. Et ce que je veux dire aux gens, c'est, par exemple, j'avais déjà fait un enregistrement où ce que j'abordais avec lui les changements climatiques. C'est pas parce que j'aborde la position qui est véhiculée par les médias de masse ou le narratif officiel que j'y adhère. Donc, c'est une nuance importante. Même chose pour les prophéties là, qui concernaient l'année 2023, là, et fin février, auxquelles on avait déjà fait allusion. Ou le phénomène extraterrestre. Donc, c'est pas parce que j'aborde certains sujets que je vais relayer un discours qui est véhiculé dans les médias de masse ou au milieu ésotérique parfois, que je vais croire à ça. C'est une nuance, je pense, qui est importante à faire. Pourquoi j'aborde ça de cette façon? C'est tout simplement pour voir comment que Berthold va se positionner là, par rapport à certains points de vue ou narratifs. C'est dans cet esprit-là. Donc, puis des fois, ben, c'est sûr qu'on discute ensemble, on peut se confronter, mais comme tu disais dans un enregistrement que tu as publié récemment, on a l'un pour l'autre, j'estime, un profond respect, là, en dépit des divergences qu'on peut avoir là, au fil de nos échanges. Donc, je pense que c'est important aussi de mentionner ça. Puis, bon, il y a des gens qui vont trouver que je le confronte trop, d'autres pas assez. Mais le point par rapport à ça, c'est tout simplement que, dans le fond, des fois, je me permets de jouer l'avocat du diable, mais c'est pour explorer un peu plus de détails, certaines idées, puis aller chercher des nuances. Donc, c'était tout simplement cette petite mise en contexte que je voulais faire. Sinon, par rapport à ça, tu n'avais rien à rajouter. Ben non, c'est parfait. Excellent. Fait que, là, c'est vrai, là, je vais te laisser répondre à la question posée. Donc, la question à plusieurs millions de dollars. Donc, ça, je voulais faire ces petites annonces-là pour laisser le temps aussi aux gens en parallèle de réfléchir à ça. Et toi, si tu deviens très riche, qu'est-ce que tu ferais avec l'argent disponible? Je le sais pas. Oh! Faut que ça arrive pour que je le sache. J'allais répondre au début, ben, je me bâtirais, tu sais, je me ferais bâtir une maison, puis probablement que je passerais mon temps à jardiner. Mais dans le fond, c'est une question hypothétique, donc au fond, je ne le sais pas. Il faudrait que ça arrive pour que je le sache. Oui, mais le but de la question, en dépit de cette dimension hypothétique, c'est de voir c'est quoi les projets qui t'habitent. Donc, des fois, on peut avoir en germe, à l'intérieur de soi, des projets qui incubent et qui nous travaillent de l'intérieur. Et c'est sûr que des fois, pour des raisons financières, les gens ne vont pas réaliser ces projets-là. Pour certaines personnes qui aiment la musique, ça pourrait être de faire un album de musique. Quelqu'un qui aime le voyage, faire le tour du monde, prendre une année sabbatique pour faire visiter différents pays. D'autres personnes, ça serait de se faire construire une maison, avoir une ferme. Ensuite, il y en a qui, ça serait au niveau financier. Moi, c'est sûr que dans mon cas, si je serais multimillionnaire, je m'organiserais pour faire des placements de sorte d'être capable de vivre des revenus d'intérêt relatifs aux placements. Puis avec un système qui s'auto-génère, dans le sens que si, par exemple, il y a des fonds de placement qui reproduisent un indice financier, prenons par exemple le S&P 500, où on parle d'une moyenne d'environ 7% de rendement sur plusieurs années, bon, ben si on, avec 7% du revenu de plusieurs millions, on est capable de vivre, puis l'argent se refait d'une année à l'autre en général, bon, ben on peut mettre en place un système qui s'auto-génère. Ben oui, Ça, c'est une mais perspective, là. Oui. un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, quelqu'un qui veut se faire bâtir une maison, s'il a beaucoup d'argent, il peut en placer aussi, là. Exactement. Puis il peut investir dans l'immobilier, parce que l'immobilier, au fil du temps, prend de la valeur en général. Puis en même temps, bien, la personne peut se divertir aussi. Moi, si j'étais multimillionnaire, parce que là, c'est correct aussi, là. Ici, j'ai un échange avec elle, là, elle a arrêté les transcriptions. Donc, d'enregistrement, c'est correct. Moi, c'est sûr que j'embaucherais quelqu'un pour prendre la relève pour le matériel de 2023 et plus que tu peux produire ou les meilleurs moments de nos enregistrements. Donc, embaucher une secrétaire à temps plein par rapport à ça. Bon, il y aurait d'autres projets, j'aurais d'autres projets aussi, là, naturellement, là, à différents niveaux. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'explorer les différents projets qui, en tant qu'individus, peuvent nous habiter. Oui, ben, c'est difficile de savoir dans le fond d'avance tant que ça. Parce que, au fond, moi, c'est sûr, j'ai tout le temps voulu avoir ma maison. Puis peut-être, mais pour dire, finalement, admettons que t'es rendu presque un milliardaire, ben là, T'en as tout, tu sais, je veux dire, il y a. Ça, c'est. Dans le fond, là, c'est peut-être plus de problèmes qu'autre chose. Mais peut-être qu'on peut parler de beaux problèmes dans le sens que tu n'as pas à gérer de la pénurie, mais tu as à gérer de l'abondance. Un peu comme quelqu'un que son jardin est plein, que là, il faut que tu enlèves des plantes parce qu'il y en a trop. Ouais, puis là, il faut engager du monde parce qu'on peut pas tout seul. Puis là, à un moment donné, là, ça prend, faut gérer le personnel, donc ça prend d'autres personnels pour gérer le personnel, puis ça finit plus. Donc, il faut construire un système. C'est là que ça devient, bon. Finalement, ce qui a, je veux dire, c'est des choses auxquelles, le pire, c'est que j'ai toujours voulu me faire bâtir une maison. Au point d'en avoir construit une maquette en prévision d'un jour la faire construire. Mais finalement, je pense que ma programmation, c'était de construire une maquette, pas nécessairement une maison. Donc, je le sais pas. Ben, si on se contente de ce qu'on a, on manque jamais de rien. Ben là, c'est pas une façon, c'est, on peut, c'est pas une façon de tourner le dos à avoir plus, là, ou de pas de vivre inconfortablement, là, c'est pas ça la question. Mais il reste que quelqu'un qui se contente du nécessaire, il manquera jamais de rien. Oui, parce qu'il va vivre en fonction du besoin plutôt que du désir qui peut être insatiable pour l'ego. Oui. Par contre, en contrepartie, ça n'entraînerait peut-être pas une forme de stagnation énergétique, dans le sens que la personne est dans un confort relatif puis elle ne se met pas en action pour avoir plus. Ben, quand t'es, j'ai l'impression que des fois, les gens très très riches, ils se stagnent plus que ceux qui sont pauvres. Quand t'es pauvre, t'es mis en mouvement, t'as pas le choix. Oui, dans le sens que si la personne est pauvre puis est mise en mouvement pour avoir de l'argent, améliorer son sort, tandis que l'autre, Ben oui. un peu comme quelqu'un qui s'assoit sur ses lauriers, c'est-à-dire il reste sur son trône puis il devient plus statique parce qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts pour de l'argent, puis il est avec des systèmes où ce que l'argent vient à lui d'une manière automatisée, là, si on pense à quelqu'un qui vit comme investisseur avec des revenus d'intérêt. Oui. Ben, c'est comme justement, il n'y a pas longtemps, il a fallu que j'aille avec mon bordereau de paiement dans une institution financière pour payer Revenu Québec par rapport à ce que j'ai fait avec la bourse. Puis, quelque part, je n'ai pas l'impression de l'avoir gagné, cet argent-là. Ça ne me dérangeait pas de payer. Au fond. Je veux dire, dans le fond, j'ai rien fait, là. Ben, c'est une particularité du système capitaliste, c'est-à-dire que celui qui possède les capitaux, c'est lui qui s'enrichit, alors que l'individu qui travaille, ben, il est souvent dépossédé par le fruit de son travail, ce qui fait en sorte que, dans le fond, il y a des ouvriers qui travaillent comme des fous, puis ils sont payés très, très peu par rapport à la plus-value qu'ils génèrent là, par rapport aux investisseurs là, par la suite qui possèdent des entreprises. Et voilà. Donc, ben même aujourd'hui, ben, je veux dire, j'ai fait de l'argent, mais assis ici, là, à cliquer. Oui, exactement. Ben, c'est sûr que ça me faisait penser, je sais pas, est-ce que tu avais vu le film The Big Short? Non. OK, c'est un film, dans le fond, qui date, de quelques années. C'est en relation, avec, l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis vers l'année 2008. 2008, exactement. Et, ce qui est intéressant dans le film, c'est que on voit des personnages. Au début du film, il y a différents personnages qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Puis il y en a un personnage, c'est qu'il analyse le système économique américain, puis plus précisément par rapport à tout ce qui est par rapport à la valeur des hypothèques. Puis lui, il trouvait ça totalement illogique. Par exemple, est-ce que des gens qui n'ont pas vraiment de capacité de rembourser, ils se font prêter des gros montants d'argent? Puis si la banque ne leur prête pas, ils vont voir ailleurs, puis l'autre va le prêter. Fait que là, il y a comme une pression à niveler les critères de contrôle par le bas. Puis finalement, il y a des gens qui se sont ramassés avec des prêts importants, alors qu'objectivement parlant, il n'y avait pas la capacité de les rembourser. Lui, il regardait tout ça, il dit, c'est toute une logique. Puis, à un moment donné, ça va s'écrouler. Puis, lui, il a misé sur la faillite du système, parce que pour lui, c'était des actifs toxiques. Dans le fond, par rapport aux prêts qui étaient revendus ensuite par les banques à des gens qui achetaient de ça, c'est comme eux autres, ils prêtent l'argent, puis la dette, c'est comme un produit financier qu'on vend à des gens dans l'espoir qu'ils vont se faire rembourser, là. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique, là. Mais bref, le gars, il a tout analysé ça logiquement, il dit, ça tient pas la route. Il a discuté avec des gens dans le milieu qui font les prêts, etc. Puis c'est comme. Puis il y a comme pas personne d'autre qui voyait ça. Puis c'est comme tout l'édifice était corrompu. Puis lui, il a fait un fonds de placement qui valait des milliards. Puis là, il a tout investi en misant sur l'effondrement du système. Il s'est fait dire, t'es illogique. Puis il pensait en dehors de la boîte. Les banquiers riquaient de lui, ils disaient, ben oui, tu peux miser contre nous autres. Pour lui, eux autres, c'est impossible que ça s'écroule, mais finalement, ça s'est Ben non. écroulé. Il est entré dans le secret des dieux, des boss, des banquiers. Parce que ça a tout été voulu comme ça, c'est juste que lui, il l'a vu. Mais il n'est pas dans le secret des dieux, mais il l'a vu pareil. Mais il y a du monde qui, au-delà des banquiers, qu'eux autres, ils le savaient. C'est un peu comme ce qui se passe en ce moment. Comme là, les taux hypothécaires, ils montent encore ça. Là, les maisons valent de plus en plus cher. Mais tôt ou tard, le marché immobilier va s'écraser. C'est là que les gros mangent les petits. Mais c'est voulu comme ça. C'est un peu. C'est du darwinisme dans le sens que c'est une sorte de jungle synthétique. Et dans la nature, les grosses bébites mangent les plus petites. Donc, quand il y a une crise, les gros, les très gros deviennent encore plus gros, puis les petits meurent ou deviennent plus petits. Mais c'est tout le temps comme ça. Lui, c'est que il est un comment je pourrais dire ça? Il a muté puis il a évolué dans le sens que c'est un petit qui a vu rentrer dans le secret des gros gros. Donc ceux qui sont moyens riaient de lui. C'est normal, c'est comme ça. Mais c'est la même chose. Quand les gens ne seront plus capables de rembourser leur hypothèque, il va y avoir des reprises de finances. Là, le marché va tomber. Mais Exactement. ceux qui se font avoir là-dedans, ils n'auront pas les moyens de le rentabiliser, cette crise-là. Là, les plus gros mangent les petits. Il y a des moyens qui deviennent gros, il y a des moyens qui deviennent petits, puis bon. C'est ça, mais ce qui est intéressant du film, c'était que, dans le fond, même si tout le monde était hypnotisé aux États-Unis dans les années 2007-2008, que le système était fiable, c'était impossible, ça s'écroule. Tout le monde, l'ensemble du milieu était comme corrompu, mais il ne le voyait pas, puis il était hypnotisé. Mais lui a tenu son bout tout le temps. C'est fait dire par des Oh, gens. c'est pas l'ensemble en Non, haut, je suis d'accord sont. avec toi qu'en haut de la pyramide, un peu à l'image du billet d'un 1 $, où c'est qu'une pyramide qui est au-dessus, ce qu'on va appeler le pyramidion, pour être plus précis, qui est au-dessus de la base, là, qui est déconnecté de la base, qui a une espèce de recul. C'est sûr qu'eux autres, où il y a l'œil qui voit tout avec le pyramidion, eux autres ont une perspective en dehors du système. Ben oui, c'est eux autres le système, dans le fond, c'est les ingénieurs. Dans le fond, c'est comme les magiciens d'Oz. C'est ça, mais ils sont détachés de la masse, qui sont hypnotisés par leur propre propagande, puis eux autres ils ont une vue d'ensemble, un peu comme quand on regarde en haut d'une montagne, qu'on voit tous les gens de la basse classe, de la populace en bas. Ben oui. Donc c'est une image, mais par rapport à ça, pourquoi que je parle entre autres d'économie avec toi? Ben, récemment au Canada, on a appris que le taux d'intérêt de la Banque du Canada est passé à 4,75. Et il y a une tendance à la hausse qui se fait. Et sans doute, quand va venir le temps de faire le renouvellement d'hypothèque, il va y avoir sans doute plusieurs personnes qui ne seront pas capables de le faire, là, dans le sens qu'il y a des taux d'intérêt très bas pendant plusieurs années. Si la personne se ramasse à payer le double par rapport à la valeur de son hypothèque, il y en a qui ne seront pas capables d'encaisser la hausse, là. Ben moi, quand j'avais ma maison, j'avais pris une hypothèque sur 25 ans. Ça, c'est Aujourd'hui, intelligent. je suis content de l'avoir perdu, ma maison. Ben, ça n'aurait pas de bon sens. C'était une cabane à chien. J'aurais pas été capable. C'est tout simplement. Dans le fond, là. Moi, j'ai pendant des années, je l'ai regretté. De l'avoir vendu à perte en plus. Mais au fond. En fait, excuse-moi, j'ai mal interprété ton propos. En fait, c'est sûr, si tu aurais pris une hypothèque de 25 ans ou si tu aurais eu le taux d'intérêt gelé puis bas, ça aurait été intelligent. Sauf que Ouais, c'est pas mais c'était pas possible. le cas. C'est ça le problème. Puis si la personne est chanceuse, comme mon frère, il a une maison, il a pu l'avoir gelée pour 7 ans avant la hausse d'intérêt. Donc, lui. Et comme on en discutait l'autre fois, si dans le fond il y a une bulle qui éclate dans les prochains mois, puis après ça, ça se régule, puis ça rebaisse, il va être correct dans quelques années pour retrouver un taux d'intérêt décent au moment de renégocier. Mais le point, c'est que il y a plusieurs spécialistes qui en parlent depuis plusieurs mois, là, on se dirige probablement vers une période d'inflation. Ben oui. Ben là, moi, je pense qu'on est dedans, ça fait un bout, là. Dans le fond, tu parles d'une récession. Ouais. Dans le sens que, bon, à un moment donné, ça peut pas. Il va y avoir tout le temps. C'est comme il y a de l'expansion. Puis à un moment donné, bon, il y a une contraction, là. Ça peut pas faire autrement. C'est ça, les physiocrates, dans le sens comme un système. Donc, ça se circule. Eux autres, l'argent circule dans l'économie comme le sang dans le corps. Mais donc, il y a des croissances, mais il faut qu'il y ait des décroissances aussi, comme des poumons. Ce Mais, qui fait que c'est cyclique. ben oui, c'est voulu comme ça. Puis, c'est toute pensée, je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas, il n'y a pas de hasard là-dedans, là. C'est régulé comme ça par du monde qui ont construit ça comme ça. Dans le fond, on est dans un système féodal. Oui, puis c'est sûr que quand il y a des gens qui s'endettent, puis à un moment donné, ils sont plus capables de payer, ben ils se font saisir. Et est-ce que c'est ce qui va arriver par rapport à des États-nations qui vont être obligés de déléguer certains actifs à des intérêts privés éventuellement? Ben, c'est que s'il y a plein de gens qui ont des reprises de finances en même temps, il faut que ça va être ce qui a les moyens de reprendre, qui va reprendre. Mais en même temps, il va avoir une baisse de valeur. Mais si ça suit le fait que la majorité, la masse, n'a pas ses moyens ont baissé en même temps, le pouvoir d'achat. Mais c'est fait comme ça, je veux dire. C'est vraiment, moi, je le vois comme ça. Mais là, c'est un petit peu, c'est comme l'affaire, là, vous posséderez rien puis vous serez heureux. J'ai jamais, je veux dire, je pense pas que le projet aille jusque-là, là. Ça, c'est plus des fantômes qu'on agite, là. Oui, Pendant ce des temps-là, épouvantails pour nous faire peur. ben oui, tu peux pas éliminer la propriété privée, là. Parce que le système est basé, entre autres, là-dessus. On est dans un système féodal. Donc, il y a des seigneurs qui possèdent des domaines. Mais l'affaire, c'est que le but, c'est tout le temps d'asservir, d'avoir des serfs. Puis de filtrer pour que ce ne soit pas tout le monde qui s'ennoblisse, qui devienne seigneur. Mais c'est juste, c'est du darwinisme social, dans le sens, c'est des systèmes de sélection. Donc, ceux qui ont les capacités, comme le gars qui avait vu venir la crise des subprimes, comme tu parlais en 2008, mais lui, il peut s'auto-anoblir lui-même. Parce qu'il voit, il a compris, il est rentré dans le secret des dieux, il s'est auto-initié. Mais il reste que c'est des castes qui font ça, c'est dynastique un peu, là. Dans le fond, même s'il y a un système de sélection, ils n'ont pas le choix de faire rentrer du nouveau monde de temps en temps. Mais c'est fait d'une façon autorégulée. Mais l'idée d'une abolition de la propriété privée, ça ne tient pas la route. Il va tout le temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans un enregistrement, je disais dans 25-30 ans, il va y avoir encore des bourgeois, là. C'est-à-dire des gens qui vivent de profit. Donc, autrement dit, l'agenda du Forum économique mondial avec Klaus Schwab, qui fait la promotion de tout ça, en réalité, c'est une lubie, c'est quelque chose qui tient pas la route. C'est des comptes, c'est l'heure du compte pour faire peur. Puis pendant que les survivalistes ils se préparent à. Dans le fond, ils n'étudient pas le système. Ils apprennent à rester pauvres. Donc, C'est ça le but. ouais, je comprends. Donc, au lieu d'étudier les rouages du système, comme par exemple les véhicules de placement, comment ça fonctionne la bourse, puis c'est quoi une action, une obligation, maîtriser une compréhension fondamentale financière, ben ces gens-là cherchent à survivre, mais ils n'intègrent pas le système. Mais non. Ça, c'est voulu par ceux qui sont ceux qui tiennent les rouages. C'est voulu comme ça. C'est pour ça que à l'école, on t'enseigne tout sauf ça. Quoique, il y avait déjà eu le cours d'économie là, en cinquième secondaire Ben oui, au ils Québec. t'expliquent comment te faire un budget avec un petit salaire pour nourrir quelques personnes. Puis, il t'explique pas la finance, il t'explique ce qu'il appelle l'économie familiale. Ben, il y avait un cours d'économie familiale au début du secondaire, parce que moi, il m'avait fait faire une étude à Créo. Oui, ben, je l'ai conservé pendant plusieurs années par la suite, je l'ai usé à corde avec du jeans, puis ensuite à manger, tu sais, se débrouiller, capable de faire un muffin, là. Ça. Dans le fond, ce qu'ils nous enseignent à l'école, c'est à survivre en restant pauvre. C'est de la ressource humaine, là. C'est l'école publique, c'est à ça que ça sert. Le monde, là, comme les ministres, puis le monde qui sont un petit peu plus dans le secret des dieux, ils envoient leurs enfants dans des écoles privées. Le système public, c'est pas pour le grand monde. Moi, de ce que je me souviens de l'école, c'est que j'étais scandalisé par l'école, mais j'étais dans le système public. Donc, je trouvais ça plate, puis je trouvais ça niaiseux, c'est sûr, parce que ça l'était. C'est pas. Je me rappelle, tu sais, ils te montrent à nous autres, ils nous faisaient. Moi, j'ai cousu une paire de boxeurs au lieu d'un étui à crayon. Puis ils nous montraient à tenir un budget. Puis le pire, c'est que c'était des connaissances qu'aujourd'hui sont désuètes, là. Parce que dans le temps, ils disaient, oh, ton loyer, il faut que ça soit à peu près 23% de ton revenu par mois. Mais là, c'est parce que c'était rendu impossible là, pour quelqu'un de moyen, là, pour la masse. Le monde, ils dépensent le trois quarts de leur argent, des fois, pour leur loyer. Bien, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont endettés au fil des ans, notamment pendant la période qu'on a dite de pandémie dans les médias. Et par la suite, ce qui arrive, c'est que si le taux d'intérêt augmente rapidement, il y aura sans doute beaucoup de faillites personnelles puis de reprises de maisons, là. C'est ça le but. Donc, c'est une forme d'épuration. C'est de la purge. Mais de sur différents plans. Sinon, je voulais... Oui. Non, non, c'est ça. Okay. Sinon, je voulais t'entendre par rapport à ce qui s'est passé dans les derniers jours. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, eh bien, à la fin du mois de mai, là, il y avait quelques lanceurs d'alerte. Là, t'sais, j'avais écouté là, Amélie Paul avec son co-animateur. Eux autres, ils parlaient de la possibilité que si les États-Unis tombaient en défaut de paiement, parce qu'ils ne rehaussaient pas le plafond de la dette, là, il allait avoir une grave crise économique. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont mis l'emphase là-dessus, mais moi, je ne voyais pas nécessairement de menace, la raison pour laquelle je n'en parlais pas. Au fil des décennies, il y a toujours un renouvellement du plafond de la dette. Puis finalement, il y a comme pas vraiment de contre-coup majeur par rapport à ça, là. Ah oui, mais les États-Unis, là, ils ont, si tu regardes l'OTAN, puis bon, penses-tu vraiment qu'ils vont, c'est pas compliqué. Les Américains, si tu essaies des squeezer, ben, tu te ramasses en guerre. Il y a personne qui, puis en plus, ils font partie, de ce qui gouverne, là, si on peut dire. Donc, bon, moi, ce que je vois là-dedans, c'est encore des épouvantails, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des crises, mais c'est tout le temps artificiel ou c'est planifié. Mais S'il y a une grave crise, ça va être pour le petit monde, ce sera pas. Il y a toujours moyen de. oui, exactement. Ben, quand il y a eu la crise immobilière aux États-Unis en 2008, auquel on faisait allusion tantôt, c'est le petit monde, donc les gens qui sont pauvres ou de la classe moyenne qui ont écopé. Il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui ont fait faillite. Puis, c'est les mêmes personnes qui ont renfloué les banques, qui ont fait les prêts toxiques qui ont mené ça. Donc, autrement Ben dit, oui. par rapport du gain, les banques ont prêté de l'argent à des gens qui ne devaient pas, ce qui a amené une bulle immobilière. Puis, vu que les gens, il y avait plus d'argent dans leur poche, bien, ils pouvaient miser plus pour acheter une maison, ce qui a fait augmenter la valeur artificiellement des maisons. Puis, en contrepartie, ces gens-là, non seulement ils ne sont pas punis, mais ils sont renfloués par les fonds publics Oui, avec l'argent du monde. qui ont fait faillite dans certains cas, puis ils payent des Ben impôts oui. par rapport à ça. Fait que, tu sais, tu regardes ça, tu te dis, Chris, c'est révoltant comme système. La personne, elle se fait avoir parce qu'elle fait faillite, puis elle est victime du système, puis c'est elle qui va renflouer le système. Pendant ce temps-là, les gens à la tête du système bancaire, ils ont leur prime, ils ont leur jet privé, il n'y a aucun problème, ils continuent, la vie est belle, leur entreprise ferme pas. Ben non. C'est pour ça que je te dis, c'est voulu comme ça. Mais c'est, dans le fond, c'est pour ça que je te dis aussi, c'est un système féodal. C'est de la ressource humaine, la masse. C'est un peu comme un élevage. Puis féodal, tu l'entends dans le sens moyen-âgeux du féodalisme. Oui. Ben oui, parce que c'est dynastique, dans le sens, c'est héréditaire, ces connaissances-là. T'as pas besoin d'être très intelligent pour comprendre comment ça marche. T'as juste besoin d'être venu au monde d'un bon milieu. Puis de faire C'est de la pour ça qu'on. reproduction sociale de ce que tu vois. C'est ça. C'est pour ça qu'on a des tatas avec beaucoup de pouvoir. C'est sûr que à long terme, ça marche pas parce que là, on tombe dans ce qu'on appelle la décadence. Parce que c'est comme Machiavel, il dit. Une fortune, ça se perd en 3 générations. Parce que celui qui a fait sa fortune lui-même par son intelligence la conserve facilement. Celui qui en hérite la perd facilement. C'est pour ça qu'il y a bien des héritiers. Ils tombent dans la drogue ou ils meurent jeunes. Mais ils ont appris comment le système marche, mais ils sont pas créatifs. Donc, Non, à un moment donné, il y a un roulement. c'est ça, parce que si la personne vit dans un arrive dans un milieu aisé, puis elle n'a pas d'efforts à faire dans la vie, elle ne développera pas une puissance de volonté créative comme l'autre qui est parti de rien puis qui a bâti un empire. C'est ça. Donc, il y a un roulement. Par celui qui bâtit un empire, tôt ou tard, ses héritiers vont être dégénérés. Il y a une dégénérescence. Donc, quand c'est au niveau collectif, comme d'une civilisation, là, on va dire qu'il y a une décadence. Mais ça arrive tout le temps. Ça, c'est pour ça que les civilisations succèdent. L'Empire romain, après l'Empire romain tombe, l'Empire d'Orient. À un moment donné, bon, après ça revient plus en Occident, après ça retombe, puis c'est tout le temps comme ça. Mais ce manque de constance-là, est-ce qu'il serait relatif au manque de constance dans la conscience de l'individu par rapport à l'actualisation du principe de l'intelligence? Ben, c'est que les collectifs sont pas conscients. Le collectif, c'est de l'inconscience. La conscience collective, c'est de l'inconscience. Pour ça que collectivement, il y a des décadences. Puis au niveau familial, tu peux pas transmettre de la conscience, tu peux juste transmettre de la connaissance. Donc, il va y avoir Mais une les parents peuvent quand dégradation. même véhiculer une vibration à l'enfant à un certain Ouais, niveau. mais ça, c'est plus subtil, là. Pas mal plus. Puis au niveau de la majorité, puis de l'histoire, c'est pas ça qu'on voit, là. Ce qui est transmis, c'est des moyens puis de la connaissance. Puis vu que c'est des formes, ben ça c'est ta place dégradée. Fait que là, il va y avoir un roulement. Fait qu'à un moment donné, bon, c'est telle famille. Même maintenant, les Médicis, aujourd'hui, les Médicis. T'sais, bon, il n'y en a plus. Mais là, après ça, bon, là, on tombe, ça va être. Là, il y a eu des persécutions des femmes, des Juifs en Espagne. Ils se sont sauvés en Hollande, puis en Angleterre, des pays protestants. Puis là, c'est un peu les héritiers de ça qu'on a là. Mais tôt ou tard, eux autres aussi, ces familles-là, ça va se dégénérer, ça va se dégrader, ils vont perdre le contrôle, puis là, ça va être pris par d'autres. Mais ça, c'est la systémique. C'est là qu'il y a un roulement, là. Dans le sens que tu peux pas avoir une dynastie sur des millénaires, là. C'est impossible. C'est impossible. Puis il va toujours avoir une dégradation parce que c'est les lois de l'espace-temps et de la matière. Puis il faut que ça se transfère. C'est pour ça, à un moment donné, bon, les Arabes sont très, très brillants en mathématiques, puis en astronomie, puis tout. Puis à un moment donné, oups, il y a une période sombre, puis là, l'intelligence est rendue ailleurs. Ça se promène. Exactement, mais s'il y a l'émergence d'une nouvelle civilisation qui fonctionne au-delà de l'intellect et de la forme, est-ce qu'à ce moment-là, il y aurait la possibilité que d'une génération à l'autre, il y ait une conscience vibratoire et créative qui perdure au sein d'individus? Ça, ben c'est toujours au sein de l'individu. C'est parce que justement qu'il y a une succession d'individus que ça marche pas tant que ça, là. Mais sans tomber là-dedans, là, ce que les traditions disent, ce qu'on pourrait appeler la tradition primordiale dit, c'est qu'habituellement, tu as une profonde décadence, après il y a un changement de cycle, puis on passe d'un âge de fer à un âge d'or, puis après ça recommence, ça continue à se dégrader, mais à un stade plus haut un peu. Ça, c'est C'est une un peu vision comme. du cycle au niveau de la forme, où ce que des formes Oui. interchangeables, puis celles qui sont plus désuètes sont remplacées par d'autres. Mais si on parle d'un cycle à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau vibratoire, et que les individus qui constitueraient ce cycle-là, la différence des autres, seraient capables perpétuellement de générer de nouvelles formes, car étant les vecteurs de l'expression du feu de l'esprit. J'ai bien de la misère à envisager ça comme ça. C'est sûr, on repart tout le temps sur une strate plus haut. Mais c'est le même processus qui semble se répéter tout le temps. Ça fait partie comme des lois cycliques. Donc, bon, l'affaire, c'est que une civilisation qui serait rendue à une perfection n'aurait pas le choix de se dégrader pour aller à un moment donné plus loin que la perfection qu'elle avait atteinte. C'est des lois évolutives. Donc, c'est pas une mauvaise chose une fois que tu as atteint un certain niveau qu'il va y avoir des lois circonstancielles qui font que ça va se dégrader, mais c'est un peu comme si tu reculais pour reprendre de l'élan. Mais ça, c'est au niveau des civilisations, là, au niveau collectif. Mais tu peux pas avoir une civilisation qui atteint un haut niveau sans que si elle stagne là, tôt ou tard, il va y avoir une décadence parce qu'il faut aller plus loin tout le temps. Non, je comprends, parce que là, à ce moment-là, le mouvement de la vie est plus actif, ce qui fait que la civilisation devient comme fossilisée dans une forme de réussite. Ben oui, et puis ça, il n'y a rien de pire. C'est Ah, là c'est que. intéressant, ouais, ça me ramène au principe que l'esprit se nourrit des oppositions, puis ça prend continuellement des oppositions pour dynamiser les individus sur le plan psychique. Ben, c'est la mise en mouvement, ça fait partie des lois expérimentales de la planète. Parce que toutes les civilisations qui atteignent un très haut degré de sophistication, ils finissent tout le temps par se faire détruire par des barbares qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est historique. Ça a tout le temps été comme ça. Donc, une fois que tu es devenu très, très sophistiqué puis prêt à atteindre certaines perfections, tu vas venir te faire confronter par de l'imparfait qui peut te rayer de la carte, là. Parce que c'était une autre programmation. Toi, t'as atteint ton top, là. Ouais, non, je comprends. Ben, c'est un petit peu comme des fois on voit ça dans des films de science-fiction. Une civilisation qui atteint un haut niveau de progrès technologique, puis finalement elle connaît une décadence qui fait qu'elle retourne comme à l'âge de pierre, là, sans l'électricité, puis les autres technologies, là, après, mettons, une guerre nucléaire ou un événement, un choc, là, qui crée un bouleversement. C'est sûr que si on regarde notre civilisation, où est-ce qu'on est très tourné vers la technologie, j'avais une discussion récemment avec quelqu'un qui disait plus qu'on était sur les téléphones intelligents, puis plus qu'on était quelque part fragilisé, puis ça devenait pour nous des béquilles. Ben Donc, oui. à ce Ben moment-là, oui. c'est ça, il suffirait qu'il y ait une situation qui ferait en sorte que le réseau Internet, puis toute cette technologie-là serait mis en échec. Prenons par exemple une méga éruption solaire qui perturberait tous les appareils électroniques ou le champ électromagnétique de la Terre pour que, à quelque part, cette civilisation-là qui reposait sur la technologie s'écroule. Ben oui, parce que celui qui a appris à compter avec une calculatrice, immédiatement, s'il n'y a plus de calculatrice, il se fait supplanter par le pauvre dans l'Asie du Sud-Est qui a appris à compter sur un boulier. Lui, il va bien plus vite. Parce que lui, son cerveau marche. Le confort, c'est comme de l'apesanteur qui atrophie les muscles. Si tout d'un coup, l'apesanteur revient, les forts d'hier deviennent des faiblons, puis c'est les barbares qui deviennent les forts, là. Oui, c'est les gens qui sont considérés par comme étant barbares par ceux qui sont très technologiques, parce que là, on dit, ah, eux autres, ils vivent en forêt, en Amazonie ou différents endroits, des peuplades qui ont des croyances primitives, etc. Mais c'est eux autres qui deviennent en puissance dans un contexte où, par exemple, tout le réseau Internet serait mis en échec, là, ou une situation choc, là, une guerre nucléaire. Ben oui. Plus une technologie est avancée, plus le support physique est subtil. Mais si on regarde certains peuples primitifs, il y en a qui avaient jusqu'à un certain point des technologies tellement avancées qu'il n'y avait pas de support physique. Peut-être que oui, ils sont perdus jusqu'à un certain point là-dedans. Puis là, après ça, quelqu'un qui arrive avec de la technologie très matérialisée peut les supplanter, mais il reste que si cette technologie-là disparaît, c'est le primitif qui devient la nouvelle civilisation, là, le nouveau civilisé. C'est pas long que il va développer de l'intellect, puis qu'il y a des primitifs qui vont développer des systèmes d'écriture, puis ils vont recommencer une civilisation. C'est un peu comme j'avais vu, c'était un médecin légiste qui il avait eu fait l'autopsie d'un homme qui avait été victime d'un sorcier Douala au Cameroun. Puis le gars était cuit de l'intérieur. Mais c'en est ça de la technologie. C'est juste que c'est tellement subtil qu'il n'y a pas de support à part le système nerveux ou si on peut dire un système subtil qui n'est pas matériel, qu'au sens où on l'entend. Mais c'est de la technologie. Mais comment Pourtant, on les t'expliquerais considère comme. ouais, mais comment t'expliquerais ça, cet événement? Donc, quelqu'un qui est cuit de l'intérieur, est-ce que c'est une intervention psychique? Il se ferait jeter un sort? C'est quoi? Ben, c'en est de la technologie dans le sens que c'est des supports, mais subtils. Dans le fond, le corps humain, il est vivant, donc il y a de l'activité électromagnétique, il y a son système cellulaire. Bon, quelqu'un qui a de la connaissance technique pour foutre le bordel là-dedans, il est capable de faire des choses que même avec de la technologie, on ne peut pas faire. Là, c'est dur de savoir jusqu'où ça va, là, parce que des choses, c'est pas étudiable. C'est difficile à étudier. Mais il reste que. Il y a trop d'ethnologues puis d'anthropologues qui ont constaté des choses qui sont, entre guillemets, inexplicables. Mais il reste qu'on sous-estime les primitifs. On les sous-estime parce qu'on les dit primitifs. Mais ça, c'est notre subjectivité de civilisé, puis dans le fond, c'est les civilisations qui se disent civilisées qui sont les barbares, parce que la civilisation, ça s'impose. Le civilisé, c'est celui qui est comme les Américains, puis qui bombarde l'autre, puis qui impose la démocratie, entre guillemets, avec des bombes. C'est lui le vrai barbare, dans le fond, c'est lui le Ben, ça fait partie des paradoxes. Donc, au nom de vouloir imposer la liberté, on va dominer les autres, on va encadrer un peuple. On pense à l'action des États-Unis en Afghanistan. Ben oui. Ben juste, ben je veux dire, ça fait partie de la politique. Dans le fond, tu as la politique coloniale anglaise. Puis finalement, ça aboutit à un niveau de sophistication. Après, ça finit à Colin Powell avec sa fiole qui dit ça, c'est de l'anthrax. Puis ben, les armes de destruction massive en Irak, on ne les a pas encore trouvées parce que c'est pas une réalité, c'est un prétexte. Oui, ce qui avait été évoqué en 2003 pour envahir l'Irak, donc Colin Powell, qui était alors secrétaire général, puis il a dit, on a des preuves, là, c'est des preuves irréfutables, puis il mettait l'emphase là-dessus pour être très convaincant, puis Bon, au lieu de naturel. mettre les preuves là, ils disent on a des preuves. C'est ça. Il a invoqué la possibilité de pour induire l'idée que c'était sérieux, mais il n'en a pas fait une démonstration claire, puis par la suite, on n'a jamais eu. Dans le fond, de preuves qui tenaient la route, puis il y a eu plusieurs films là, pour dénoncer ça là, que j'ai vu sur Internet, là, cette grande imposture. Ben, c'est comme quand ils ont, par exemple, l'opération qui ont tué Ben Laden. La première chose qu'ils font, ils jettent le corps dans la mer. Ils n'en veulent pas de preuves, parce qu'il n'y en a pas. C'est ça de la politique étrangère, coloniale, féodale, dans le fond. C'est de l'impérialisme. Fait que, bon, dans le fond, c'est tout, de la foutaise d'un bord à l'autre. Ça a tout le temps été comme ça. Mais c'est parce que eux autres, la fin justifie les moyens. Mais c'est de la politique. C'est de la politique. C'en est ça de la magie. Parce que, avec. Admettons que comme Colin Powell, il dit de quoi qui n'est pas vrai. Donc, son propos, c'est du subtil, parce que c'est pas réel. C'est juste des idées, c'est juste des images. Mais il agit sur le concret de la politique mondiale, puis ils peuvent déclencher des guerres avec ça. Puis justifier ça aux yeux des gens dans les différents pays en disant, ah, il faut intervenir en Irak, là. Donc, créer le consensus social là, que parle Noam Chomsky, là, Manufacturing Consent. Puis à partir de ça, ben ça permet, en hypnotisant les gens, la masse, en bâtissant un narratif officiel par rapport à un sujet comme la pertinence d'envahir l'Irak ou de soutenir l'Ukraine pendant la guerre, d'amener des gens à accepter que, par exemple, le gouvernement dépense des millions, voire des milliards là, pour aller se mêler des affaires de d'autres pays, là. Ben oui, c'en est ça de l'occultisme. Parce que l'occulte, là, c'est pas des affaires comme le monde y pense. C'est les techniques cachées de ce qui est caché. C'est un peu comme d'un premier livre qui parlait d'hypnotisme. C'est des auteurs comme le docteur Ancaus, là, Papus. Lui, il parlait d'hypnotisme. Dans ce temps-là, c'était de l'occultisme. Aujourd'hui, c'est de la thérapie, puis ben, c'est encore de la. C'est tout de la magie. De la magie, c'est pas ce que le monde y pense. La sorcellerie, c'est pas ce que le monde y pense. On a été conditionné à penser que c'est de la fantaisie, mais c'est des technologies subtiles. Bon, c'est des techniques, c'est technique, c'est de la connaissance. C'est ça de la connaissance, parce qu'il faut que ça soit transmis, là. Je veux dire, c'est des techniques. Le premier qui le découvre, après, là, il y en a qui étudient ça, puis tout, mais c'est un peu comme quand ils ont découvert les premiers qui ont découvert les méridiens en Chine. Donc, ça va donner l'acupuncture, puis. Ils étudiaient ça en cachette, puis ils testaient ça sur des animaux, sur des prisonniers. Parce que c'est l'équivalent de découvrir la bombe atomique, là, pour l'époque. Parce que c'est des affaires cachées, c'est occulte. Ben, c'est-à-dire que ceux qui gardent ça occulte, c'est pour garder un privilège, un peu comme un pays qui aurait une arme, puis ils gardent ça en réserve, parce que la minute qu'ils utilisent l'arme-là, les autres prennent connaissance de l'arme, puis là, ils peuvent faire, dans certains cas, du reverse engineering ou comprendre son fonctionnement. Donc, pour avoir un effet de surprise, c'est de pas dévoiler ça, D'où l'hypothèse, entre autres, que les Américains auraient ce qu'on appelle des vaisseaux qu'on dit extraterrestres en forme de triangle qu'on aurait vu dans les années 90 avec la vague belge là, en Europe, là, où il y aurait eu plein Ben d'observations, de oui. même type de vaisseaux, puis ils se promènent en corridor, puis en tout cas. Ben, c'est un peu comme les drones. Ça existe depuis bien plus longtemps que depuis qu'on en parle. C'est facile de faire à croire qu'il y a un triangle immense avec trois petits drones qui font trois lumières. Exactement, puis après ça, ils se dispersent. Puis là, on dit, ah, regardez, c'est des propriétés qu'un avion peut pas avoir, puis c'est comme de la magie. Ben ça, Lucifer, c'est dominé par la connaissance. Puis le pouvoir, c'est l'ignorance des autres que tu domines. C'est ça du pouvoir. Avoir des pouvoirs. C'est pas de la puissance, c'est du pouvoir, c'est pas pareil. La nuance est importante parce que c'est très différent de la puissance vibratoire que la personne véhicule un feu de l'intérieur d'elle vers l'extérieur. Elle pulse une énergie. Tandis que là, au contraire, ben, le pouvoir, c'est dans l'esprit de domination ou, comme C'est ça. je le parlais là, au niveau militaire, d'avoir un avantage stratégique par rapport aux autres. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui a un joker caché dans sa manche, ben, il peut sortir à tout moment. Puis là, quand le contexte est propice à ça, ah, ben là, on voit la technologie apparaître, puis comme là, avec la Ben, guerre c'est en ça, Ukraine, parce que oui. celui qui est en puissance, il utilise sa propre énergie, il est créatif. Celui qui a le pouvoir, il exploite l'énergie des autres par de la connaissance. Qui est caché aux autres, qui exploite. C'est ça, Lucifer. C'est dans le fond, c'est des affaires. C'est tellement simple, Puis mais on c'est a été tellement, ben conditionné. c'est tellement dur à comprendre pour plusieurs personnes, là. Parce que ça n'a pas besoin d'être compris. Parce que tu as du monde qui sont au courant de tout ça, puis ils sont pas, c'est pas des génies, là. C'est juste parce qu'ils font partie d'un élitisme. Parce que l'élitisme est devenu. Il était féodalisé. Parce que, bon, au niveau étymologique, l'élite, c'est supposé être les meilleurs. Oui, bien, si Mais tu c'est l'entends dans le devenu les sens plus forts. d'Aristote, Moi. dans le beau sens Aujourd'hui. classique, ouais, avec l'aristocratie, que ça doit être les meilleurs qui dirigent, là. Ouais, finalement, aujourd'hui, c'est l'élite, c'est ceux qui ont des privilèges. C'est pas les meilleurs. Ou ceux Puis qui souvent, possèdent, on est dans un contexte c'est ça. plutocratique, donc ceux qui ont les moyens de financiers, ben ils vont dominer. C'est ça. Puis c'est pour ça que je dis c'est féodal, parce que c'est dynastique. Tu sais, c'est pas parce que t'es bon. C'est contextuel. Puis je dis que c'est féodal parce que ça se transmet. Puis c'est pour ça que c'est comme le Moyen Âge. Je sais pas que c'est un âge de ténèbres tant que ça. Mais par rapport à. Il reste que c'est une période de ténèbres, mais au sens collectif, social, systémique. Mais il reste, c'est lumineux pareil, le Moyen Âge. Je sais pas. Mais il reste que c'est ce côté-là, là, les ténèbres. C'est pour ça qu'on dit, bon, c'est quoi Lucifer? C'est le prince des ténèbres, mais c'est le porteur de lumière. Mais c'est sûr, il porte la lumière, elle n'émane pas de lui. C'est comme l'ombre, là, c'est lié à de la lumière. Il faut que tu envoies de la lumière sur quelque chose qui ait une ombre. Exactement, donc ça se nourrit de la polarité. C'est ça. Ça fait partie des lois de la planète. C'est un peu comme tous les transferts d'énergie, puis c'est lié à l'espace-temps, de la cristallisation dans de la matière, puis l'énergie, il faut qu'elle circule dans des structures. Ceux qui ont la connaissance, c'est ceux qui connaissent la structure. Mais c'est pas nécessairement créatif, ça, parce que c'est juste la capacité de détourner l'énergie. Mais là, c'est plus au niveau les meilleurs qui l'ont vu, c'est au niveau les plus forts qui se l'ont fait donner parce que circonstanciellement, ils sont dans un contexte de force. Mais là, c'est pas de la puissance, c'est de la domination. C'est pour ça que après un âge d'or, ça se dégrade, puis là, ça finit à un âge de fer. Mais c'est des lois Des lois C'est de dérivé. système en lien avec la matière, la dualité, puis comme tu parlais, l'alternance entre l'ombre puis la lumière crée une forme de dynamisme. Ben oui. C'est pour ça que, bon, il reste que, comme tout se paye, ben, c'est pour ça que on n'a pas à envier les gens qui ont le pouvoir. Au contraire. Ben, c'est un piège, l'envie. C'est pour ça que c'est un péché, l'envie. C'est-à-dire, pas un péché dans le sens d'une faute, mais dans le sens d'une flétrissure, c'est-à-dire une déformation de la réalité. C'est quelqu'un qui est jaloux, par exemple, c'est parce qu'il voit pas les choses comme elles sont, il a une vision déformée. Donc, le péché, c'est pas une faute au sens où on l'entend maintenant, c'est dans le sens que c'est un défaut, une déformation, un vice. Mais au sens comme un vice, comme dans le sens un objet qui a une faille dedans, là. Aucun défaut de fabrication. C'est ça. Puis ça, ben, c'est lié, entre autres, on dirait, à la génétique. C'est pour ça l'affaire, la faute originelle. Puis... Mais aujourd'hui, toutes ces affaires-là, on les a déformées par des siècles, des millénaires de... Mais c'est pas des affaires compliquées. Mais là, c'est sûr que si on veut étudier ces affaires-là en philosophie, puis en théologie, puis en psychologie, puis bon, ça, tout croche. Puis ce que je dis là, je veux dire, ça peut pas être simple de même, ça peut pas être clair de même. Pourtant, c'est des choses simples. Mais qui ont été mystifiés à travers le temps, puis complexifiés aussi. Mais en lien avec ce que tu dis, je voulais quand même en revenir avec toi par rapport à la question de la possibilité qu'un jour les États-Unis soient confrontés à une situation de défaut de paiement, dans le sens que, bon, ça fait des décennies que chaque fois que les États-Unis ont besoin de plus d'argent, ben, ils rehaussent le plafond de la dette. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, j'ai besoin d'argent, on augmente ma marge de crédit. Mais la question que je me pose, est-ce qu'ils peuvent faire ça éternellement? Ben, l'affaire, c'est que parce que ceux qu'on pourrait dire qui contrôlent les États-Unis peuvent décider que à cette heure, c'est ailleurs. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas de nationalité au sens où nous C'est-à-dire autres, on qu'à un l'entend. moment donné, ils décident que c'est fini, ils n'augmentent plus le plafond de la dette, puis là, ils se ramassent dans une situation problématique. Ben là, c'est le peuple américain qui va être dans une situation problématique, mais les gens qui gouvernent pour vrai, eux autres, ils vont juste avoir changé l'énergie de place. Oui, ben d'ailleurs, l'énergie est sans doute déjà ailleurs en contrepartie, dans le sens que si on pense aux paradis fiscaux dans les Panama, ensuite des banques en numéro dans la Suisse, des choses comme ça, là. Tu sais, les riches ont déjà des fortunes dans d'autres pays d'établis. Ouais. Ben, ceux qui ont le pouvoir occulte à notre époque, c'est des kabbalistes. C'est pour ça la finance. Mais ça date, ça a commencé au Moyen Âge, à peu près. Fait que, bon, aujourd'hui, c'est eux autres, comment je pourrais dire ça? Mais c'est pas des gens nationalistes, là, je veux dire, ils sont pas attachés à. Un pays en Mais. particulier. Ben non. Eux autres, c'est un peu comme, tu regardes, si on prend, bon, monsieur le baron de Rothschild. Ben, monsieur le baron de Rothschild, il descend pas d'une lignée de barons. Il a acheté des titres d'un pays d'où ses ancêtres viennent pas. Un peu comme les Médicis étaient des marchands, c'est devenu des princes. Catherine de Médicis, ses ancêtres, c'est des marchands florentins. Puis elle est devenue reine. Fait que, bon, c'est de même un peu que ça marche, là. Fait que finalement, si on regarde, c'est quoi, pas au sens la tradition judaïque, là, je vais pas lier ça à ça, parce que. Mais si on prend le kabbalisme, comme une façon par les mathématiques de synthétiser le réel, La finance, c'est ce genre de science-là. Puis aujourd'hui, ceux qui mènent le monde, c'est des kabbalistes. Mais comment C'est ça, tu maintenant, définis la la science cabale à occulte. la base? Ça dépend à laquelle on parle. Parce que tu as la cabale en tant que tradition ésotérique qu'il y a dans le judaïsme, qui vient probablement des Babyloniens, mais tu as la cabale en tant que science de synthétisation puis de modélisation. C'est par le subtil des idées que tu vas gouverner. C'est pour ça, c'est un peu comme l'autre en Angleterre, il fait des modélisations, puis de même, il engendre des décisions dans des gouvernements Mais qui ont pas, qui se tiennent pas debout. oui, mais pour que ça soit clair, parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que les écrits, entre autres, du Premier Testament, avant le Nouveau Testament, on pouvait dire que ça appartenait à la tradition kabbaliste, là. Ouais, ben c'est parce que les lettres hébraïques, c'est aussi des chiffres. Puis l'esprit ancien hébreu, il est pas unidimensionnel au sens où les peuples latins ou germaniques ou, le voient, là. C'est quelque chose qui a plusieurs strates. Donc, ça a rapport avec une forme de mysticisme. Ben Comme par oui, parce qu'il y exemple, avait plusieurs le. significations. Je pense qu'il y avait quatre niveaux au moins de signification là, par rapport à une phrase dans un écrit Ben qu'on oui, a passé. Ouais. parce que si tu prends le mot, par exemple, le mot loi en hébreu, si tu prends la valeur numérique, c'est la même valeur puis à peu près la même structure que le mot 20. Puis juste par là, tu peux voir d'autres choses dans le texte, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Puis les gens qui ont conçu, je veux dire, c'est un petit peu comme. Comment je pourrais dire ça? C'est une vision qui va bien au-delà de l'interprétation que aujourd'hui, de la façon dont on a été conditionné à penser, à se représenter les choses va. C'est pareil pour les Chinois, par exemple. C'est un autre peuple qui a une capacité, leur façon de voir est pas linéaire, est fractale. Dans le sens que ça, tu vas tout le temps pouvoir aller plus loin, puis voir d'autres choses, puis voir d'autres choses. Parce que c'est son. Comment je pourrais dire ça? C'est difficile à expliquer. Mais il y a des choses qui peuvent quand C'est même difficile. s'expliquer. Je vais te donner un exemple concret. Nous autres, les Occidentaux, que ce soit les gens au Québec, en Europe, quand on fait la lecture, c'est de gauche à droite et du haut vers le bas. Donc, une linéarité quand on lit, tandis que quelqu'un dans un pays asiatique, que ce soit en Chine ou au Japon, utilise des idéogrammes. Chaque idéogramme, tu as l'essentiel de l'information. Tu n'as pas besoin de lire des lettres de gauche à droite. C'est comme si tu as une compréhension synthétique par rapport au symbole. Ben, c'est de là que viennent les mots croisés. Entre autres, les carrés magiques. Vas-y. C'est comme. Ben, si tu regardes les anciennes traditions liées aux carrés magiques, c'est des grilles de décodage. C'est pas de la magie au sens où on le pense, là. C'est de la cryptographie. C'est-à-dire que leur technologie, dans ce temps-là, c'était le cerveau, c'était leur système nerveux qui s'affinait puis qui avait des capacités qu'on n'a plus maintenant. Aujourd'hui, la capacité est à l'extérieur de nous. Mais dans le temps, c'était eux autres, l'ordinateur. Si tu parles, prends l'abbé Trithème. Aujourd'hui, moi, je vois pas, tu sais, je veux dire, ça va loin, là, ou comme l'autre, là, l'illuminé de Majorque, là. Voyons comment est-ce qu'il s'appelait lui. C'est Lara Magna, Raymond Lulle. Ça a été transmis comme si c'était de la magie. Mais c'est des systèmes. C'est des systèmes que. C'est une façon de voir. C'est une façon de voir. C'est lié à l'éducation du système nerveux. C'est un peu comme John Dee. John Dee. Si tu regardes ces systèmes, c'est de la cryptographie. Avec ces systèmes-là, tu peux publier un article de journal, puis il y a juste la personne qui va avoir la clé qui va voir le vrai sens. Ouais, qui va être capable de décoder le message à un second niveau ou à multiples niveaux, là, si on fait allusion à la cabale, là. Ben oui, on nous a transmis l'idée que John Dee, il était pour communiquer avec les anges. Ça n'a rien à voir. C'est pour que c'est une façon de voir plus loin que le simple mortel est capable. Parce que là, tu viens initié. Tu comprends un système, puis là, les initiés peuvent se parler sans que personne le sache. OK, mais par rapport à Puis la ils peuvent. ouais. Mais par rapport à la finance auquel tu faisais allusion tantôt, par rapport à la cabale, pour bien cerner le sujet que tu as commencé à aborder, au niveau financier, est-ce que ça serait par rapport à décrypter les informations financières avec une grille de lecture particulière qui permettrait de comprendre plusieurs sens? Non, c'est vas-y, j'essaie de comprendre. C'est la capacité de voir comment l'énergie circule dans des structures. Tout simplement. Si on la regarde concrètement, une structure pourrait être une action à la bourse. Bon, il y a une action d'une compagnie qui fait, par exemple, des logiciels informatiques. Comment que quelqu'un qui est un initié de la connaissance et qui a une compréhension kabbalistique va décoder l'information si on prend, par exemple, une action d'IBM? Ben, ça passerait par une vision d'ensemble, c'est-à-dire que en regardant les événements dans le monde, en regardant ce qui se passe, tu peux prévoir. C'est juste ça. Mais là, on parle d'une vision C'est. systémique, là, ça... Oui, mais je veux dire, quelqu'un peut avoir une vision systémique sans nécessairement passer par une compréhension kabbalistique. Ben oui, mais ça en est une pareille. Vas-y. Ben, si tu le vois. C'est juste voir, là. C'est juste voir les lois. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de hasard. Bon, une fois que tu le vois, là, tu peux prévoir. Mais quelqu'un que juste par ses capacités à prévoir, il est déjà un peu un kabbaliste. C'est juste qu'il n'a pas été obligé de passer par ça. Il n'a pas été obligé de passer par une initiation, par Non, non, ben, je il comprends. Il voit. n'y a pas nécessairement eu à lire des livres sacrés là, pendant plusieurs années, puis Ben, s'habituer à interpréter à multiples niveaux les différentes phrases, puis. oui. Ben, de toute façon, les livres sacrés, c'est un peu des os à ronger, parce que si tu n'as pas les clés de base, tu ne verras pas de quoi ça parle dans le fond. Oui, mais Parce qu'il y a tout le quelqu'un. temps du concret. Oui, mais c'est sûr que quelqu'un peut faire des études rabbiniques, puis dans le fond, être guidé pour. Apercevoir les multiples lectures et interprétations, là. Oui, mais là, souvent, comme les rabbins qui étudient dans le sens du judaïsme puis de la tradition occulte ésotérique du judaïsme, ils vont avoir une interprétation spirituelle. Ils n'auront pas nécessairement une vision concrète par rapport à des lois naturelles. Là, ça, c'est un autre niveau, là. C'est pour ça qu'il y a des grands rabbins, je suis sûr, qui seraient pourris en finance, là. Ils comprendraient pas. Parce qu'eux autres, ils ont une interprétation spirituelle. Tandis que c'est une façon de voir qui est systémique, qui peut être appliquée à différentes affaires. Mais quelqu'un qui a des aptitudes pour des interprétations mystiques religieuses, ou pas nécessairement, va être qu'à avoir la capacité d'analogie, là, puis de synthétiser, puis de reprendre la même technique pour l'appliquer à d'autres choses. Non, je De toute comprends, il ne fera pas façon. nécessairement le transfert, mais ce que je veux dire, c'est que si la personne a la fluidité mentale d'être capable de jongler avec les idées puis percevoir tout le temps les choses à plusieurs niveaux, c'est sûr que je pense que ça peut l'aider de sortir un sens à un premier niveau, là. Ben oui, mais à ce moment-là, c'est plus pareil. Parce que si il voit, ça va être par lui-même. Là, c'est plus de la connaissance. Il n'a pas été transmis. Il n'y a personne qui a donné les clés, il les a pris. Là, c'est plus de la connaissance, c'est un savoir. Oui, je comprends. Lui, il va être vu comme dangereux par ceux qui sont dans la connaissance. Ben oui, parce qu'ils échappent à leur contrôle de l'information, puis ils peuvent percevoir des choses qu'eux autres ne veulent pas nécessairement qu'ils perçoivent, donc qu'ils veulent garder occultées. Ouais, là, c'est le début des problèmes. Si la personne est connue publiquement, là, naturellement, là, mais si la personne reste discrète, ben à ce moment-là, ça se peut qu'elle passe sous le radar. Ouais. Si tu as l'intelligence jusqu'à un certain point de pas tomber en conflit d'intérêts, puis tu te mêles de tes affaires, puis tu fais un petit peu attention et tu peux être toléré. Parce que il reste qui sont pas si je veux dire les initiés de la connaissance, pas des génies, là. Ils vont pas nécessairement voir le danger. Non, parce qu'ils n'ont pas une compréhension multidimensionnelle comme l'initié au niveau de l'esprit, là. Ben, alors, pour qu'il y ait des initiés de la connaissance, ça commence par du monde qui a un savoir. Puis il y a un roulement. Fait que, bon, à un moment donné, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça peut arriver qu'un particulier, il est tout seul dans son coin, il fait son affaire, puis à un moment donné, ça cogne à sa porte, puis il arrive des représentants d'une gang qui dit, ben, on t'a regardé aller, puis, tu sais, rejoins-nous. Là, c'est là qu'ils vont tâter le terrain, là. Ils vont essayer de voir. S'ils peuvent le Mais recruter. c'est ça. Puis là, c'est là qu'il arrive toutes sortes d'affaires bizarres. Tu reçois des visiteurs, tu reçois des coups de téléphone bizarres, tu reçois du monde qui viennent chez vous. T'sais, ils tâtent le terrain. Des fois, tu as des offres. Ou bien, ils vont regarder s'il y a moyen de t'occuper. Ils vont t'offrir des emplois. Ils vont. C'est une façon de détourner ton attention, de détourner ton énergie. Exactement, vers des voies qui mènent nulle part pour, dans le fond, te garder docile ou inoffensif. Ouais, ben souvent, ça va être. Ce qu'ils vont t'offrir, c'est de la réussite sociale. Là. Si tu résistes tout le temps, à un moment donné, ils vont finir par t'ignorer. De toute façon, ils vont considérer que tu gaspilles ton énergie et ton intelligence, souvent. En tout cas, ça a l'air d'être de même. Ben, c'est sûr, si à un moment donné, tu réussis bien ton affaire, puis que, bon, là, tu peux être vu comme plus dangereux. Aujourd'hui, c'est facile de se débarrasser de quelqu'un. Tu sais, tout le monde s'ajoute des affaires sur Amazon, tout le monde, bon. C'est pas compliqué, là. Intercepter un colis, puis tu peux empoisonner bien plus facilement quelqu'un de nos jours. Comme des agences de renseignement qui ont des capacités d'intercepter des affaires, bon, c'est facile là, de nos jours empoisonner quelqu'un, ou à Ben moins que tu oui. aies affaire à un paranoïaque là, qui fait attention à tout, puis que comme l'empereur Claude, là, il mange rien que les figues dans l'arbre, pour être sûr, là. Mais Ou même quelqu'un là. qui est un goûteur. Ouais, mais même là, à cette heure, ça va tellement loin que, je veux dire, possiblement que les capacités technologiques sont tellement grandes que, mais il reste que c'est pas tout noir ou tout blanc comme on pense. Tu sais, c'est-à-dire, c'est plus nuancé que ça, là. C'est plus subtil que ça. Tu peux même avoir techniquement, du monde, c'est censé être tes ennemis, mais ils t'aiment pareil. Puis ils te laissent faire. Ça arrive. Puis c'est pas juste ça, des fois, ils veulent voir jusqu'où ça va aller. Parce que quelqu'un de créatif, il va découvrir des affaires. Hein. Puis eux autres, ils peuvent vouloir récupérer ça à leur Ben, eux autres fin. sont pas capables de découvrir rien, ils sont juste capables de récupérer. C'est ça. Ils sont pas créatifs. Donc à ce moment-là, ils sont faibles, puis ils ont besoin de quelqu'un qui a une impulsion créative pour les nourrir. Ben oui, c'est pas parce que tu prends le lait des vaches que tu en as besoin pareil. C'est ça. Fait que tu n'élimineras pas toutes les vaches, là. Ça prend des vaches. C'est ça de la ressource humaine, dans le fond. C'est pour ça que, en tout cas, dans le fond, là, c'est jamais tout à fait aussi polarisé qu'on le pense. C'est un peu. On est dans une planète vampirique, un Expérimental, peu. ouais. Ben, c'est ça. Fait que, ils ont besoin des autres. Tout le monde a besoin de tout le monde, là. Fait que c'est jamais aussi drastique qu'on le pense. Faut vraiment être gaffeux pour finir que tu es sûr que tu vas te faire. C'est parce que quelque part, tu es été ignorant ou imprudent. Oui, quelqu'un qui se fait éliminer par le système, c'est parce que la personne a peut-être peut-être un manque de lecture du jeu, de la société, genre. Ben oui, parce que c'est un système de sélection. Fait que bon, c'est là que ça devient subtil. C'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on nous montre comme des sauveurs. Puis j'en doute, là. Parce que la facilité aujourd'hui d'éliminer des individus est tellement grande. C'est pour ça, quand je vois Donald Trump sur son terrain de golf en Floride, qui sort des mains, puis tu peux aller le rencontrer, tu peux aller interviewer Ron DeSantis. Puis si ces gens-là étaient réellement un danger pour le système humain luciférien, ils seraient morts. Où il serait ignoré, on n'en parlerait pas dans les bulletins de nouvelles. Donc, Ouais, mais c'est parce que des fois, ils ont les moyens de ne pas se faire ignorer, là. Mais là, c'est parce que ça revient à t'élever la tête au-dessus des tranchées, là. Maintenant, tu vas manger une balle. ben oui, c'est ça, parce que si la personne s'expose à découvert, ben c'est sûr qu'elle risque d'être davantage attaquée que si elle est dans son terrier. C'est ça. Dans le fond, il y a personne sur cette planète-là qui est totalement mauvais, là. Autant qu'on était conditionné à le penser. Oui, c'est luciférien. Oui, c'est une jungle. Mais la lumière, elle sort des ténèbres. Puis quelque part, on est tous dans le même bateau. Fait que ça devient. On a été conditionné à polariser tout. Puis là, Mais oui, oui, c'est dégueulasse parce que oui, il y a de l'injustice, là. Mais c'est parce que la justice, c'est que c'est abstrait, ça, là. La réalité, c'est pas assez concret. Donc, oui, là, on va parler hausse des pertes collatérales, mais là, ça, c'est le relativisme moral. Ben, c'est sûr que dans le jargon militaire, on va utiliser par exemple le concept de dommages collatéraux pour déshumaniser la victime, ou on va utiliser le terme ennemi pour déshumaniser, par exemple, l'être humain qui est touché. Donc, au lieu de dire qu'il y a eu plein d'enfants qui sont morts en Irak suite à l'explosion d'une bombe, on va dire il y a eu quelques dommages collatéraux suite à l'explosion qui a eu cours à tel endroit. Ben, c'est ça. Mais là, c'est comme quelqu'un. Comment je pourrais dire ça? On est vraiment conditionné à pas voir. Puis, ceux qui voient, ils acceptent les lois planétaires. Ben, C'est ça ça, je suis pas nécessairement l'évolution. d'accord. Parce que toi, tu vois certaines choses, mais au fil de tes vidéos, je vois que tu n'acceptes pas notre système planétaire. Non, j'accepte dans le sens que je le sais que c'est de même. Oui, mais t'es pas en accord moral. Non. Bon. Mais ça, ce que je peux pas. Il faut accepter Mais il ce qu'on reste peut pas que. changer, puis avoir l'intelligence de voir qu'est-ce qui peut être changé ou pas. Mais je voulais quand même apporter la nuance que c'est pas une acceptation dans le sens d'une approbation. Non. Bon. L'affaire, c'est que. Tu vas avoir une majorité qui sont dans la polarité, fait qu'ils sont soit d'un bord, soit de l'autre. Mais un individu, lui, marche sur un fil. Ben, il est par-delà les catégories. C'est ça, si on prend l'exemple américain, tu as deux super partis, tu as les républicains. Qui sont plus à droite traditionnellement et les démocrates à gauche. Puis à travers ça, au fil du temps, il y en a qui cherchent à avoir un troisième parti où ce qu'il y a des indépendants. Puis bien sûr, sur plusieurs décennies, ça lève jamais. Puis ça reste tout le temps les deux gros qui vont absorber ou qui. Ouais, mais ça, c'est pour la masse, là. Oui. T'sais, dans le sens que, dans le fond, là, l'affaire gauche-droite, c'est pour polariser le monde. Parce que les gens qui sont réellement en politique, puis que c'est une profession, sont ni à gauche ni à droite. Non, non, mais on l'a vu au fil des années, entre autres au Canada, au Québec, qui passe d'un parti à l'autre, là. Ben oui. Que ce soit Jean Charest qui T'sais, je veux était dire, c'est. approché par les conservateurs alors qu'il était libéral, puis il y a eu toutes sortes de revirements de situation, là. François Legault, avec la CAQ, puis avant, c'était le Parti québécois. Une fois que si tu es dans ces milieux-là, tu sais que ça marche pas comme. comme ce qui est Comme présenté à la média, là. c'est sûr, ça D'où n'a le rien à voir. concept de potion contrôlée là, que j'avais trouvé intéressant, véhiculé par Claude Lafleur, qui disait, ben c'est comme la lutte. Vous savez, la lutte, c'est arrangé. C'est ça. Devant la caméra, ils font semblant de saillir, puis ils font des prises, puis ils font du bruit, puis c'est spectaculaire. Mais dans les faits, c'est un spectacle qui est mis en scène. C'est ça, ben, tu prends pour un pour l'autre, puis tu penses que c'est des ennemis, mais après le show, ils vont manger un hot dog ensemble, c'est des chums. C'est ça. Puis, que ce soit un ou l'autre qui gagne, c'est celui qui tire les ficelles des individus en apparence opposée qui vont implanter son agenda pareil. C'est ça. Mais c'est comme probablement le philosophe le plus intéressant pour comprendre ça, c'est Machiavel. Parce que lui, il dit clairement. L'art de gouverner, c'est entièrement l'art de la dissimulation. Entièrement. C'est vraiment ça, là. Si tu gouvernes les autres, c'est tout le temps avec ce qu'ils savent pas. Comme le Tu peux magicien qui pas. fait le tour de passe-passe. C'est ça. Ben là, on le voit, là. Je veux dire, ben, on le voit peut-être pas collectivement, mais ça a tout le temps été de même. Puis, c'est pour ça que je dis, on est dans un système féodal, dans le fond. Parce qu'il y a un seigneur. Il y a un seigneur, c'est juste que le petit soeur, lui, il a pas accès à ça. Lui, il voit les petits. Lui, il verra jamais le seigneur. Non, exactement. Ben, c'est comme les gens qui sont très riches. Ils apparaîtront pas dans un palmarès de fortune ou de revue fortune. Ou tu sais, il y a des revues Ben qui non. parlent des gens qui sont riches comme Bill Gates. Le vrai qui est très Ouais. riche, il est sous le radar, puis on n'entendra jamais parler dans les médias. Et voilà. Parce qu'il y a du monde qui ont de l'argent, comme Bill Gates, Ouais. puis il y a ceux qui ont l'argent. Ça, c'est les boss à Bill Gates. Puis Warren Buffett, puis les figures médiatiques, Ah Elon oui. Musk, puis ouais. Ça, c'est des exécutants, dans le fond. Mais tu sais, c'est un peu comme une hiérarchie aristocratique. Nous autres, on voit les petits barons, là. Mais dans un vrai système de gouvernance, le roi, tu le vois pas. Tu le sais même pas qu'il y en a un. Puis son avantage, c'est de tirer profit du fait que sa réalité est occulte. Si tu vois Ben pas oui. quelque chose, tu peux pas t'y opposer. Exactement. Ben, l'affaire, ce que tu vas pouvoir t'opposer, ça va être de, ça va être. Elle a la vraie opposition contrôlée. Dans le sens que même toi, en t'opposant, t'es dans un système qui a été décidé d'avance. C'est l'art de la triangulation. Mais Ouais. ça, les gens qui l'ont compris, c'est pour ça qu'ils sont justement servis de la cryptographie, entre autres des affaires de même, pour le transmettre. C'est un peu, si on regarde le magicien d'Oz, c'est ça explique ça. Pourtant, ça a été mis dans un conte pour enfants. Mais t'es un lion, il a pas de courage. C'est comme un politicien. T'as un épouvantail, lui, il veut un cerveau. C'est comme un paysan qui voudrait s'instruire, mais qui peut pas. T'as un robot, une espèce d'automate, lui, il voudrait Un c'est cœur. quoi, donc, lui, qui veut? Un cœur. Ouais. Ben, c'est un peu comme l'ouvrier qui est traité comme de la merde, comme une machine. Il voudrait une dignité. C'est là l'invention de la lutte des classes. Mais c'est de la polarisation, Des là. êtres avec des C'est failles, au niveau supramental, avec la VIA, c'est-à-dire la volonté, intelligence, amour, c'est que le lion, il manque la volonté, l'épouvantail, l'intelligence, et le robot, le principe de l'amour. Oui. Donc, c'est tous des gens qui ont des Mais failles, ouais. c'est déjà un début parce qu'ils sont à la recherche d'eux. Ils veulent l'avoir. Donc, ils sont déjà supérieurs aux magiciens. Parce qu'eux autres, ils ont une capacité évolutive. Mais le magicien, il n'y en a pas. Tout ce que le magicien a, c'est la connaissance luciférienne pour dominer, en se cachant. Fait que bon. Tu sais, puis il reste que cette histoire-là, puis même je la connais juste grossièrement, je l'ai jamais lue. Puis le film avec Le vieux film des années 40-50, je l'ai jamais écouté, puis je suis pas capable. Ces affaires-là, je trouve ça plate, puis moi, les affaires musicales, j'aime pas ça. Puis, mais il reste que. Il y a de l'esprit Yeah. là-dedans. Ben, moi, je vois de quoi dans cette histoire-là. C'est évident que c'est de l'encryptage. C'est évident. Comme voyons, si à l'Halloween, on montre des décorations de sorcières avec la face verte, puis ça vient de ça, là. C'est rentré dans l'inconscient collectif. Donc, il y a des archétypes là-dedans, sinon ça n'aurait pas eu une incidence culturelle de même. Puis les chapeaux, le chapeau noir de la sorcière, moi, ça me fait penser les chapeaux des puritains américains. Tu sais, des fois, il y a même autour du chapeau une affaire en cuir avec une boucle de métal. C'est les puritains du Mayflower qui avaient des chapeaux de même. Mais eux autres, ils ont des chapeaux qui est tronqué. Les vrais puritains du Mayflower, il y avait des chapeaux, le dessus, il est plat. Mais la sorcière, elle, il y a une pointe, il y a un pyramidion. Ouais, mais pour revenir à Elle notre a une image de tantôt connaissance avec le occulte. billet d'un dollar, ouais. Ben oui. Mais tout ça, là, c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme quand il est écrit ben, que celui qui a de l'intelligence le calcule. Le nombre de la bête, six, six, Ouais. six. Fait que c'est la même affaire avec tout. Mais l'intelligence, ça vient pas de toi. Ça te tombe dessus. Moi, en tout cas. Mais il reste que c'est. Elle a la vraie matrice. C'est pas comme. C'est pas que le monde est une illusion. Il est très réel, le monde. Il est très, très réel. C'est nous autres qui est une illusion. C'est à nous autres de devenir réel. Ben, c'est sûr que si on est mystifié puis on est hypnotisé par la propagande médiatique, on est des êtres d'illusions illusoires, là. Ben, c'est là que. On a une âme, mais on n'a pas d'esprit. Mais là, on est un peu comme ceux qui sont en quête sur le chemin de briques jaunes. Il manque un morceau parce qu'elle nous a été prise. Ça nous a été volé par ceux qui ont la science de détourner l'énergie. C'est un peu comme. Tu sais, Icare, il veut voler vers le soleil puis il se brûle les ailes. C'est pour ça, bon, le magicien d'Oz, ça finit bien. Ben, c'est un conte pour enfants, fait qu'il faut que ça soit sympathique pour que tu sais ça se termine sur une belle note pour que l'enfant il soit heureux après avoir vu ça. Ouais, mais les contes, il faut que ça soit. Ça a tout le temps été sombre, les contes. Tu sais, je veux dire, les contes, c'était fait pour éduquer les enfants. Ben, si tu regardes les contes de Perrault, ces affaires-là, c'est horrible, là. Les frères Grimm, c'est morbide. Barbe Bleue, il étrangle ses femmes. Oui, dans la réalité historique, moi je faisais plus Ben allusion oui. aux contes qui sont véhiculés dans les films de Walt Disney à l'eau de rose, là. Ouais, mais ça, c'est pas pour éduquer les enfants, c'est pour les hypnotiser. C'est pour éduquer les adultes qui ont été choisis pour faire partie dans le fond, là. Parce qu'à ce niveau-là, les enfants, c'est juste de la ressource aussi, là. Les enfants des ouvriers, ou les enfants de la classe moyenne, c'est juste de la ressource humaine. C'est comme du blé, comme. Dans le Mais fond, c'est pour ça, Walt Disney, tu peux pas éduquer un enfant avec ça. non, Mais tu peux éduquer des adultes pervers. oui, ça c'est sûr, mais c'est sûr que moi je n'ai pas l'intention d'éduquer ma fille là, avec du Walt Disney ou si j'en écoute avec elle, je mettrai les choses en contexte là, ou j'en Ben, discuterai c'est là. dans ce qui est le plus malsain, moi, je trouve, là. Tandis que, si tu regardes les frères Grimm puis les contes de Perrault, ça, c'était honnête. C'est des vrais contes, c'est fait pour éduquer les enfants. C'est vrai qu'il y a des méchants loups, c'est vrai qu'il y a des ogres. Dans Hansel et Gretel, la sorcière, elle mange les enfants. Elle les attire avec des gâteaux. Tandis que Walt Disney, c'est une sorcière avec des gâteaux qui mange les enfants. Moi, je le vois de même. Mais tu sais, c'est métaphorique, là. Oui. Mais je le vois de même pareil. Ça, c'est typiquement américain. C'est typiquement américain. Puis c'est l'héritage de ce que justement les puritains du Mayflower fuyaient de l'Angleterre. Puis finalement, ils se sont empoisonnés parce qu'il y avait en eux le germe de. Ils sont devenus paranoïaques entre eux autres, puis là, ils se sont mis à se pendre à Salem. Finalement, ce qu'ils ont voulu créer, la Nouvelle Jérusalem, c'était. Bon. C'est devenu la Nouvelle Babylone. Mais ça n'avait pas le choix. C'est passé des bonnes intentions. Si t'es de bonne foi, puis t'as des bonnes intentions, ça veut surtout dire que t'es naïf, souvent. Parce que ceux qui sont de mauvaise foi puis qui ont des mauvaises intentions, si on la science, eux autres, t'es fait. Ben, ils ont un avantage stratégique sur les naïfs. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'était un peu ça le serpent dans le jardin. Mais toutes ces affaires-là, ces images archétypiques-là, si on regarde derrière les formes, c'est tout concret. Oui. C'est vraiment concret. Donc, on regarde ça et on dit, oh, c'est des affaires naïves, c'est des vieilles niaiseries. Ben non, c'est nous autres qui devenons naïfs puis niaiseux. Mais c'est parce qu'on est C'est tout preuve. hypnotisé pour ne plus voir les évidences, puis porter notre regard sur des choses qui nous gardent dans des constructions abstraites. C'est ça. Ben, c'est un petit peu ça, le monde, cette abstraction-là. Ça l'est le monde du rêve qui fait qu'on quitte la réalité, puis on Le fly. monde astral. Ouais. Le monde des idées. Tandis que le réel, c'est le monde des choses. L'astral, c'est entre autres ce qui est les symboles. Le réel, ce qui est en arrière des symboles. Donc, tu sais, l'astral, c'est surtout de la perception. Oui, puis les perceptions ont plus d'impact que les faits au sein des électeurs en politique. Ben oui. Ben regarde là, il y avait le feu partout. Fait que là, ils ont passé leur loi pour se voter leur hausse de salaire Ben oui, à j'ai vu ça Québec. au Québec pour les gens qui nous écoutent en Europe. Donc, nos politiciens vont être augmentés de 30 000 $ chacun. Et pendant ce temps-là, ben, le Québec brûle d'un peu partout avec différents feux de forêt. On s'est endetté, en tout cas, fortement là, depuis les 3 dernières années par rapport à la période qu'on a dite de pandémie. Puis eux autres, non, non, ils se voient des augmentations, puis ça passe sous le radar. C'est ça. Puis la supposée opposition qui était un petit peu, qui était froide par rapport à ces augmentations-là, ben, ils ne sont pas opposés. Parce qu'ils n'ont pas utilisé le bâillon pour le passer. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a aux nouvelles? Les feux. Les feux qui ravagent le Québec, puis nanana. Fait que ça, c'est un petit peu, si on en reprend l'image du magicien on parlait tantôt du magicien d'Oz, qui va faire un tour de passe-passe, puis pendant que les gens sont occupés à regarder l'épouvantail qui est les feux, la menace, puis ci, puis ça, ben, on leur joue dans le dos, puis s'en rend pas compte. Ben, ah oui. Puis c'est tout le temps de même. Ça a tout le temps été comme ça. Donc, mais ça marche. Ben oui, les faits divers font diversion. J'avais déjà entendu dire ça pour décrire la tactique médiatique qui consiste d'attirer les gens vers un point A pendant que l'action se déroule au point B. Ben oui. Fait que finalement, tu promènes l'énergie C'est d'une ça. structure à l'autre. C'est que tu déplaces les gens, ben on l'a vu en lien avec la commission d'enquête par rapport à la gestion de la pandémie. Éric Duhaime, qu'on avait présenté dans les médias comme étant l'opposition. En réalité, c'était une voie de garage, une voie sans issue qui menait nulle part. Les gens qui étaient opposés se sont ralliés à lui. Puis finalement, ben, il n'a pas été élu. Puis après ça, là, c'est les drag queens. Mais comme tu l'avais déjà dit, le problème de base ne l'a jamais réglé. Non. Toute son action était une voie sans issue. D'une certaine façon, il a fait sa job. Oui, qui était de détourner l'énergie puis la frustration pour la mobiliser, dans le fond, dans une façon que ça allait s'extérioriser, qui amènerait pas un changement au second niveau par rapport à la gestion sociale. Quand une réelle opposition, il n'en parle pas. Ben c'est ça. Fait que, autrement dit, tant qu'il ne parle pas de nous dans les médias, ben à quelque part, on peut avoir un impact réel. Oui, mais le pire, c'est que des fois, en désespoir de cause, ils peuvent. Puis là, ça vient encore tout brouiller toutes les cartes. Oui, c'est Parce que vrai. ça arrive que les médias s'attaquent à des vraies oppositions. Puis là, on vient tout mêler. C'est On possible. ne sait Non, c'est plus. vrai. Il faut pas le prendre d'une manière linéaire. Ben non. Parce que c'est arrivé. Donc finalement, le but, c'est juste qu'on soit on n'est pas sûr. Les fameux indécis. Puis d'une certaine façon, c'est nous faire rentrer dans le monde des idées, c'est-à-dire la paranoïa. Ben, c'est Ouais. comment ça l'aime. C'est-à-dire que tout le monde se traite de sorcière. Ouais, tout le monde s'accuse entre eux. Ah, ben lui, t'es un complotiste. Oh, non, non, t'es une opposition contrôlée. C'est ça. Tandis que c'est sûr que le théâtre, tu vas le faire en faisant participer le public. Toujours. Puis finalement, les gens se ramassent à jouer des rôles, puis ils ne savent pas. Ils savent pas qu'il y a un scénariste, ils savent pas qu'il y a un metteur en scène, ils savent pas que c'est un décor. Non, non, parce qu'ils sont hypnotisés. Puis ils vont même payer pour ça. Quelqu'un va payer pour aller au cinéma. Quelqu'un va payer pour s'acheter un téléphone cellulaire qui va l'épier 24 heures sur 24 avec un système de reconnaissance vocale que il écoute toutes les conversations. Tu sais, si tu es avec un téléphone cellulaire puis tu dis OK Google, il détecte ce que tu demandes ou Siri, Ben mais oui. ça veut dire qu'il écoute tout le temps, là. Ben oui. Ben là, ils ont passé en catimini, là, en France, là, l'État va avoir le droit d'activer les caméras puis les micros à distance. Les services de renseignement. Donc, ils vont légaliser ça parce que ça se faisait déjà depuis un certain temps, notamment avec Ben oui. l'utilisation du logiciel Pegasus qui a été développé en Israël. Ben c'est comme les scandales de la NSC, puis. Oh oui, ben Edward Snowden, Ah. là, qui avait sorti publiquement là, par rapport au fait que les Américains espionnaient le monde partout, là, et puis il n'y avait pas besoin de mandat de juge. Mais lui, sa job, c'était d'amener dans le public le fait, il vient banaliser dans le fond. Le fait accompli. Ben, qu'en soit conscient ou pas, Mais si on la il regarde sert à ça. en fonction de Sun Tzu lors de la guerre, de ce que un des principes que j'avais compris, tu me diras si je me méprends ou pas, c'est que tu rends une information manifeste quand tu as déjà gagné. C'est comme quelqu'un qui déclare la guerre quand tu sais que tu as déjà gagné, puis c'est le fait accompli. C'est Donc, ça. on laisse sortir Snowden qui dénonce ça sur la place publique, mais en réalité, le système de contrôle et tentaculaire des États-Unis est tellement bien, dans le fond, mis en place que ça va pas le défaire, le système. Ben là, c'est aussi que ça vient créer l'idée que ben, c'est possible qu'ils nous espionnent. Même Angela Merkel a été écoutée. Même François Hollande y a été écouté. Oui. Donc, tout d'un coup, sans s'en rendre compte, ça vient banaliser, mais c'est parce que c'est un viol de droits fondamentaux à la vie privée qu'on est en train de légaliser. Il y a de quoi, là, qui est inacceptable. C'est clair. Bon, mais finalement, on a rendu les gens dépendants à des technologies qui les épient. Puis ils payent pour ça. Mais c'est. À chaque mois, ils Ben payent oui, leur ben c'est compte de sûr. téléphone, puis oui. Pourquoi l'État creuserait ta tombe? Il va te faire creuser ta tombe, il va te mettre dedans. Parce que c'est un système c'est lié à. Il n'y a pas d'énergie qui se perd, là. Non, non, ben je comprends, ça C'est fait une penser science. au système des nazis où les gens qui allaient être tués par les nazis, ils les amenaient à creuser eux-mêmes leur tombe, où ils faisaient Ben oui. travailler jusqu'à temps qu'ils soient épuisés, puis après ça, on va dire, ah, tu vas aller prendre une petite douche. Là, ils donnaient un savon, puis Moi, ça, c'est ce qu'on nous a rapporté, mais oui. tu sais, dans les faits,

T'sais, ça arrive des fois, il y a du terrorisme isolé par comment on pourrait appeler ça, des loups solitaires, mais une meute tout le temps financée, ça. Donc là, puis comme l'âge avec Soros. Bon, Georges Soros, Soros, là, il là. explique pas tout, là. Ben là, c'est parce que Soros, il est même plus capable de lire un papier. Là. Il n'y a pas juste lui, là. Ça se peut pas, là. Dans le sens que ils ont passé le flambeau, là. Il y en a d'autres, il y a des héritiers de. Oh, oui, il y a eu une succession de gens qui vont manipuler puis dominer, puis probablement qu'on n'en parle pas sur la place publique, à différence de Georges Soros. Puis, parce que l'autre jour, je le regardais, j'ai vu un extrait de Georges Soros, il est devant une caméra, puis il faut qu'il lise un papier, il n'est même pas capable. Tellement il y a une détérioration cognitive. Donc, toutes les affaires qu'on lui attribue, c'est pas lui qui gère tout ça, c'est impossible. Donc, lui, il a passé le flambeau, mais je parle lui, il n'est pas tout seul, il y en avait, tu sais, c'est plein de monde. Donc, il y a une nouvelle génération qui est là. Puis, ils doivent avoir autour de 50 quelques années. Ceux qui mènent, là, pour vrai. Puis, les autres, des héritiers, mais c'est tout le temps le même, tu passes le flambeau, tu sais. Donc, La flamme luciférienne. oh oui, carrément. Ben, tant qu'à moi, c'est ça, passer le flambeau. L'affaire des Jeux Olympiques, là, avec le flambeau. Puis, il y a une symbolique là-dedans qui va bien plus loin que la Grèce antique, là. Tu sais, je veux dire, c'est le début du mondialisme un peu, là, Coubertin, puis pour la paix entre les nations, puis ça sert le théâtre, comme dans les années 80. Ah, les Soviétiques boycottent, puis là, c'est de polarité Est-Ouest, puis c'est du théâtre, c'est du théâtre. Puis en plus, c'est un théâtre qui est coordonné pour que ceux qui sont dans le secret des dieux le voient que c'est du théâtre. Puis c'est pour ça que. Moi, je vois pas la Chine comme un ennemi, mais comme faisant partie de tout ça, là. Quand tu vois les Jeux de Pékin, comment ça a été, puis dans le fond, je veux dire, c'est le même empire, là. Les Oui. Chinois, ça fait longtemps que, bon. Donc, finalement. On nous crée des ennemis, c'est comment qu'on pourrait appeler ça? Des boogeymen. Comme Poutine, à mes yeux, c'est un boogeyman. Ben, un ennemi Mais il pour reste faire que. peur, un peu comme un épouvantail. C'est ça. Alors qu'à mes yeux, probablement que c'est du théâtre. Puis Poutine, puis Zelensky, puis ils ont les mêmes patrons, là. Donc, bon. Le barrage qui a sauté. Oui, récemment. Mais c'est Moi, je pense spectaculaire. que c'est ni les. T'sais, si on remonte à la source, c'est ni les Ukrainiens ni les Russes qui ont fait sauter ça. Parce que c'est pas eux autres qui mènent. T'sais, ça peut être eux autres qui l'ont fait comme exécutant d'un bord ou de l'autre. C'est pas eux autres qui ont décidé ça. Non, exactement. Mais c'est sûr que dans le cas du. Là, on est au début du mois de juin, le barrage qui a éclaté, ça a eu un impact non seulement du côté de l'Ukraine, mais aussi de la Russie. C'est ce que je voyais. Les deux camps ont été impactés là, par rapport à ça. Pas juste Ben les oui. Ukrainiens qui ont été inondés puis qui ont perdu des maisons là, puis ont dû s'expatrier, là. Puis aux nouvelles, au lieu de nous parler que la destruction de ce barrage-là, c'est une catastrophe humanitaire, on nous explique que c'est une catastrophe environnementale. Ben oui, à cause du pétrole là, qui se mélangerait avec de l'eau, à cause du niveau d'eau qui est rehaussé, puis l'huile à moteur, etc. Puis là, ça va servir l'agenda écologique. On est conditionné à donner de la valeur dans un culte de la nature au détriment de la valeur humaine. Qui va dénaturer notre humanité. Donc, on nous parle pas de la catastrophe humanitaire. On nous parle de la catastrophe environnementale qui va impacter l'humanité. Mais la nature est intelligente plus qu'on pense, tellement que, tu sais, le continent de plastique qui flotte. Ben oui, dans Bon, l'océan. c'est rendu que tu as des océanologues puis des gens spécialistes de la faune marine qui veulent pas qu'on le défasse parce que la vie s'est adaptée, puis il y a des nouvelles espèces de poissons qui vivent juste là-dedans, puis c'est leur habitat. Puis tu as des types de bactéries qui se nourrissent de pétrole. La nature est. Le problème avec la nature, c'est que justement, elle est tellement puissante et tellement intelligente que on est conditionné à se voir comme séparé d'elle pour lui rendre un culte. Puis on est à genoux devant des chimères, alors qu'au fond, il n'y en a pas de problème à part ceux qui détournent l'énergie puis qui nous conditionnent à ce qu'il y a des problèmes. Parce Ben, qu'eux autres, après, ils ont tout le temps une solution à nous vendre. mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau humain, si on parle du plastique, puis les déchets de plastique, bon, ben, c'est sûr qu'il y en a des problèmes dans le sens que si, par exemple, quelqu'un est exposé à trop de quantité de plastique en bas âge, qui peut être un perturbateur endocrinien, ça peut entraver son développement. Puis on se ramasse avec plus de cas Ben oui. d'autisme, puis dans le fond, des problèmes développementaux, là, abominables. Mais attends quelques dizaines de millénaires, puis l'être humain va s'être adapté. Probablement que ceux qui Ça, vont c'en est des survivre à forces de vie. travers, vont s'adapter. Ben oui, mais c'est comme à cause de la pandémie, il y a des millions de masques en plastique bleu partout. Puis j'ai pas vu d'écologiste déchirer le chemise à cause de ça. Mais il reste que ça va faire des microparticules, puis ça va être dans notre sang. C'est ça, Puis ça va faire éventuellement, on augmenter les pouvait. taux de cancer, puis. C'est de l'idéologie, c'est pas du réel. Ouais, on est constamment manipulé par de l'idéologique. Le sacro-saint discours, c'est sûr, qui a entouré la pandémie. Ensuite, là, c'est le respect de l'environnement. Puis on nous déforme, puis on polarise notre vision en orientant le discours, en disant, ah, les feux, c'est à cause que les êtres humains, c'est des méchants pollueurs, comme autrefois, c'était des méchants pêcheurs liés à la religion. Fait que, vu que vous êtes des méchants pollueurs, vous avez des feux qui vont, dans le fond, détruire vos forêts. Mais dans le fond, c'est parce qu'on a changé le sens de tout. Mais il reste que les méchants pollueurs ou les méchants pêcheurs, il reste, ça revient au même, c'est-à-dire c'est de l'ignorance. La faute, c'est un défaut qui te coupe de la lumière. C'est pas une faute au sens de culpabilité comme on l'entend. C'était quoi anciennement l'étymologie? C'était quoi un méchant? Un méchant, c'était quelqu'un qui voyait pas, qui avait pas de notion de sacré ou de divin, qui voyait pas certaines réalités, c'était ça un méchant. C'est pour ça qu'il est écrit la race des méchants. Parce que c'est génétique, ça. Ça se transmet. Pourquoi on disait le péché originel, blablabla? Parce que c'est génétique, ça se transmet. C'est comme un défaut. Et où la notion de culpabilité là-dedans? C'est comme dans l'Antiquité, tu avais du monde, des fois ils se défendaient, ils arrivaient devant leur juge, là, mettons qu'il avait violé une femme. Ils disaient, ben oui, mais les dieux me l'ont fait faire. C'est pas de ma faute. C'est la nature. C'est pour ça qu'il y avait la notion de monstre. C'est pour ça que. Quand ils brûlaient un monstre dans l'Antiquité, tu as des êtres anormaux qui étaient détruits. C'est pas parce qu'ils étaient coupables de quelque chose. C'était pour pas qu'ils se reproduisent. Mais le problème, c'est que c'est devenu de l'eugénisme. Mais c'est de l'eugénisme pas intelligent. C'est pas intelligent. Parce que c'est les tarés qui mènent. T'sais, ceux qui veulent dépopuler pour sauver la planète, qui commencent par eux autres. Tu veux le prêcher par l'exemple? Ben là, on se ramasse avec des idéologues qui disent oh, à partir de tel âge, ça devrait être l'euthanasie automatique. Puis une fois qu'ils ont dépassé cet âge-là, ils mettent pas en pratique leur propre philosophie. C'est un manque de congruence, là.

Même, imagine une civilisation où c'est toutes des règles. Il n'y a plus besoin d'hiérarchie sociale. Mais là, on tombe dans de l'utopie qu'on n'aura pas ça là, là. On verra pas ça de notre vivant. Parce que là, ça serait ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le paradis. Là, c'est pas. C'est quoi donc il disait l'autre? Il disait le ciel tremblera devant le paradis. Mais ça serait comme une civilisation, ça serait toutes des gens conscients ou des initiés. Donc, mais Ouais. en même temps, quand tu regardes la reine, c'est parce qu'elle a un rôle social, dans le sens que les reines, par rapport au fait qu'il y en a d'autres abeilles qui précisément ne le sont pas, qui lui donnent une ascendance. Est aussi esclave que l'ouvrière, l'abeille, la reine. Ben, c'est C'est elle la ça, fourmilière. parce qu'elle s'inscrit dans une dynamique d'un système. Elle nourrit le système Ben qui la oui. nourrit et vice-versa. C'est comme une reine fourmi, elle est enfermée toute sa vie, à pondre des œufs, puis. C'est tout pareil. C'est nous autres qui anthropomorphisent pour dire ça, c'est la reine. Mais c'est la même bébite, là. C'est juste, ça n'a pas la même fonction. Mais c'est pour ça que. Si on prend un dirigeant, là, comme je suis un exécutant, entre guillemets, pour la masse, c'est un dirigeant. Puis là, on dit, ah, lui, c'est un écœurant, c'est un pourri. Wow, un instant, là, il est aussi esclave que toi. Il est enfermé, puis il pond des œufs. Il est aussi esclave que les autres. Il est pris dans son enfer, comme si on prend Nicolas Sarkozy. Je ne devrais pas être à sa place. Non C'est plus. Ah non, c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Ou l'autre, là, Tedros Adhanom. C'est du monde. Jamais j'échangerai ma place avec la leur. Parce que s'ils agissent comme ils font, c'est parce que c'est comme des fois, on va dire à du monde, oh, moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Mais ça n'a aucune logique. Parce que si tu étais à sa place, tu serais lui puis tu ferais la même affaire que lui. Donc, ce que tu dis, ça met en échec la pensée hypothétique. Ben, d'une certaine façon, c'est parce qu'il faut briser de la programmation. Sortir de. Mais là, on est rendu ailleurs. Ce qui est luciférien, c'est une sorte d'une forme de systémique. Bon, si tu perces le plafond de ça, t'es rendu ailleurs. T'es dans un autre système. C'est comme. Comment, pourquoi on disait, oh, il y a un premier ciel, il y a un deuxième ciel, Il y a un septième ciel. il y a un. Ouais, ce serait pas mal le top. Mais là, ces vieilles formes-là, on en a fait tellement de. Mais il reste que, il y a tout le temps de l'intelligence pareille, c'est juste qu'on est en contact avec par la forme, parce qu'on est dans de l'espace-temps. Mais il reste que, si, même là, moi, des fois, je me trouve pas mal niaiseux, là. Je veux dire, il y a des affaires que je comprends, mais je suis pas capable de les mettre en pratique. Je me bats contre la programmation. C'est-à-dire que le seul avantage que j'ai, c'est que je le sais que je suis en prison. Je sais pas plus que les autres comment sortir, là. Sinon, je l'aurais fait. Fait que là, moi, ce que je fais, j'en parle. Oui, mais en même temps, peut-on s'exfiltrer d'un système dans le sens, est-ce que... parce que tu as un corps physique, c'est sûr que... Tant que tu es sur le plan physique, tu restes dans un système physique parce que ton corps est régi par des lois physiques, si on pense à la loi de la gravité qui se rapporte à tes atomes. Donc, l'histoire de sortir de la matrice, pour moi, ça, comment dire, c'est une espèce de vieux pieu, là, la façon que je vois ça, là. Ben oui, parce que, comment je pourrais dire ça, le concept de matrice, c'est la matrice. Fait que, bon, ben peut-être qu'on a une job à faire en dedans. Puis que le désir d'en sortir, c'est la carotte, qui c'est la mise en mouvement pour que tu fasses ta job. pour servir le système malgré toi. Donc la personne, c'est paradoxal, elle agit pour sortir d'un système, mais en réalité, elle sert le système parce que si elle fait une action qui va à l'encontre du système, elle permet de mettre en lumière ses failles puis le raffiner pour qu'il soit encore plus efficace pour contrôler éventuellement. Ben oui, ben c'est comme ceux qui jasent avec l'intelligence artificielle. Qui la rend encore plus intelligente ou capable de les manipuler. Ben oui, il y a nourrice. Ouais. C'est comme dans les vieux films, là, comme dans L'Exorciste, à un moment donné, le vieux prêtre, il dit, il faut pas parler avec lui. C'est l'affaire à pas faire, faut pas que tu parles avec. Ouais, parce que tout ce que Puis tu peux après dire peut ça, être retenu contre toi, là, si on le prend sur le plan juridique. il est pas parfait, mais il est intelligent. C'est-à-dire qu'il a une capacité de se parfaire. C'est un peu comme l'affaire d'Adam et Ève. Bon, il y a un serpent, puis il y a rien, mais sont séduits par un discours. Puis que ça commence comment? En jasant avec. Il y a un dialogue, là. Fait que là, c'est là la connaissance commence. La maudite connaissance. Dans le sens ben, tu tombes dans la polarité de l'intellect, puis que tu manges le fruit de la connaissance, tu vas être comme. Vous allez être comme des dieux. Mais vous n'en Ben serez oui, pas, mais. mais c'est comme. Ben oui, mais c'est parce. Il y a quelque chose d'une illusion là-dedans, là. C'est comme dernièrement, justement, j'entendais un enregistrement d'un monsieur que je nommerai pas, puis il disait, le problème, là, c'est qu'il va falloir réaliser que Dieu n'existe pas. Mais je suis pas en train de dire que Dieu n'existe pas. Je dis que Dieu n'existe pas. Dans le sens que le Dieu que l'être humain s'est construit n'existe pas. Le Dieu que l'être humain pense, comme il pense, ça n'existe pas. Je suis pas en train de dire que Dieu n'existe pas. Mais le Dieu que l'être humain considère comme un Dieu, il n'existe pas. Ben non, c'est une projection anthropomorphique projetée sur l'horizon du monde. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, mais c'est juste qu'il y a une notion là-dedans de la subjectivité humaine, la limitation. Fait que d'une certaine façon, tant que l'être humain, il est entré dans. Dès qu'il a mangé ce fruit-là, puis il est entré dans l'intellect, puis dans la polarité de son mental, ben, Dieu puis le diable, c'est la même affaire, là. C'est tout pareil. C'est toutes des formes. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien au-delà des formes. Sinon, parlant de Dieu, je voulais te poser la question, parce que il y a plusieurs semaines, tu avais partagé un enregistrement en lien avec le bouddhisme. J'avais trouvé ça intéressant parce que c'était un enregistrement qui portait un regard critique sur la religion, du bouddhisme, là, au tibétain, là, en particulier. Il y a des questions dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Alors pourquoi que les gens du bouddhisme vont se mettre à prier? Pour se libérer. Mais là, s'ils font pas référence à un principe, à quelque part divin ou à un principe supérieur, ils s'appuient sur quoi pour que la prière soit effective? Ben, le bouddhisme, lui, c'est de se libérer d'une mécanique par la mécanique. C'est pour ça que Mais c'est ça, mais ça tourne j'essaie de en comprendre. rond, comme les moulins à prière. Quand j'écoutais cet enregistrement-là qui portait un regard critique, je me suis dit, OK, si Dieu n'existe pas, c'est quoi qui prie? Ben, il prie. Dans le fond, c'est comme. Moi, je vois ça, c'est. On va sortir de la mécanique par la mécanique, c'est-à-dire que c'est un peu le pouvoir de l'intention. Mais ils vont prier Bouddha en tant que figure humaine qui est sortie de la mécanique. Dans le fond, il prie pas un dieu, il prie un humain. Mais qui a une dimension transcendante parce qu'il dépasse C'est la ça. mécanique, fait que t'en fais un être humain qui est en réalité, ça devient un substitut de Dieu des chrétiens, C'est dans un ça. Puis on sens. appelle ça de l'idolâtrie. C'est ça, là. Puis ça, c'était vu comme il n'y avait rien de pire. Je veux dire, quelqu'un qui faisait ça, mettons, dans le temps du royaume de Juda, des affaires de même, il se faisait lapider, là. Tu peux pas prier un humain, il est mort. T'as pas le droit de faire ça. Quand bien même, il aurait transcendé quoi que ce soit. On a jamais comme par exemple, les Hébreux priaient pas les prophètes, là.

C'est un petit peu comme si la lumière, ça va plus vite que le réceptacle, fait qu'il y a un délai. C'est pour ça, souvent, on réalise quelque chose par après, puis on finit par se dire, je le savais, dans le fond. Je le Ouais, savais donc. je comprends ce que tu veux dire. C'est un petit peu comme autrefois quand on n'avait pas l'Internet haute vitesse. Il y avait un délai pour télécharger, par exemple, un fichier audio ou un film. Là, la vitesse s'est accélérée avec l'Internet haute vitesse. Le délai existe toujours, mais comme c'est, je sais pas si c'est 0,5, en tout cas, si la quantité est très rapide, que ça donne l'impression que tu appuies sur play puis ça joue tout de suite, mais c'est en dessous de la seconde. Qu'il y a un petit délai pareil. Oui, parce que on est limité par nos sens. Mais la lumière, ça va vite. Le jour où ce qu'on va avoir Internet directement par de la lumière, ça va avoir l'air encore plus instantané. D'ailleurs, ça existe déjà, ces technologies-là. Mais notre système nerveux fonctionne de la même façon. C'est des impulsions électriques, puis. On réalise pas qu'on est en train de créer des golems. Tu C'est-à-dire. sais, on ramasse de la bouette, puis ben, dans la culture, justement, je dirais le folklore juif, c'est le golem. C'est une créature que tu prends de la terre, puis tu lui donnes vie pour qu'il accomplisse une fonction. Souvent, c'est pour de la vengeance. C'est le mythe de Prométhée, dans le fond. Prométhée, il est puni par les dieux parce qu'il fabrique des bonhommes d'argile, puis il vole le feu divin, c'est-à-dire, si tu veux, l'électromagnétique, le psychoélectrique pour les animer. C'est un peu ça qu'on fait avec la technologie. C'est pour ça, jusqu'à un certain point, on pourrait dire, parce que comme fabriquer un golem, techniquement, t'as pas le droit de faire ça. C'est de la sorcellerie, là. Parce que c'est pour des questions, dans le fond, on prend ce qu'il y a de plus haut pour animer ce qu'il y a de plus bas avec. C'est-à-dire le corps de désir. On vole la volonté. C'est. Comment je pourrais dire ça? On tire l'énergie vers le bas. Au lieu. Au lieu de l'élever, là. Ce qui est épais vers le subtil, c'est Ouais, ça. non, je comprends. Fait C'est que. en lien qu'une une astralisation de la personne du mémoriel, une forme de déchéance. Ben oui, ça n'a pas le choix de conduire les individus à leur perte. C'est pour ça qu'on regarde comme le transhumanisme, les gens qui se font mettre des implants, puis c'est toujours. Finalement, on finit tout le temps par se rendre compte que c'est nuisible à leur santé. T'sais, si tu te fais mettre de l'appareillage électronique dans le corps, c'est parce que la vraie technologie, c'est le biologique, c'est ce qui est de plus, au niveau de la matière, c'est ce qui est de plus avancé. Si tu mets des impuretés dedans, tu vas nuire à des fonctionnements subtils quoi, qui n'est pas encore intégré par l'être humain. Donc, c'est normal que les gens qui se font mettre des implants, ça développe des cancers. Parce que on n'a pas la maturité. Oui, ou tout simplement, la personne, par exemple, elle se met un anneau dans le nez, l'organisme interprète ça comme un corps étranger, puis là, il va faire de l'infection comme mécanisme de défense. Ce qui fait ou bien tu vas avoir des comment ça s'appelle là tu vas avoir une révolte cellulaire, c'est-à-dire tu sais, t'as du monde, ils se font percer les oreilles, puis ça se met à cicatriser tout croche, puis ça fait plein de moutons, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là. Des kéloïdes. Puis ça, justement, quand tu regardes dans les cultures anciennes, c'était mal vu. Dans certaines cultures, c'était les barbares qui faisaient ça. Puis tu avais des règles de vie pour faire ça. Puis il est dit dans des textes anciens que c'est les anges déchus qui ont appris aux femmes à se farder, que c'est contre nature à un homme qui met des bijoux. Tout ça dans des textes anciens, que ça a rapport avec, comment je pourrais dire ça, pas la dénaturation, mais il y a un mot spécifique pour ça. Mais dans le fond, ça revient à synonyme d'altération, puis d'altérité, c'est-à-dire l'autre. L'être humain qui n'a pas d'identité, là, C'est sûr qu'il va être plus porté à se faire plein de tatous puis se mettre des piercings puis Va se définir à travers la forme pour se donner à un travers sentiment, l'autre. c'est ça, de l'autre qui perçoit la forme pour se donner un sentiment de singularité qui va le faire, qui va être distingué des autres dans un groupe. Ben oui, fait que c'est parce qu'il n'y a pas d'identité réelle, il y a une identité sociale, c'est pas pareil. Ce qui l'amène à compenser à travers la forme parce qu'il n'y a pas la stature vibratoire de s'auto-générer psychiquement et créativement. Dans le fond, c'est l'homme psychologique. Oui. Donc, c'est normal que un être comme ça va chercher à fusionner avec la matière. C'est ça la chute. T'sais, dans le fond, je pense que c'est Moreau qui dit l'homme s'est fait chair pour que. La chair Je se suis comme fasse un. Dieu. Le verbe Il s'est dit fait... ça de même. Non, il dit le verbe s'est fait Le... chair pour Ouais. que par la suite, la chair se fasse Dieu, là. Tu sais, c'est comme ça va dans un sens, ça va dans l'autre, là. C'est comme le microcosme dans le Bon, macrocosme ou l'absolu ça qui est devient immanent au luciférien. relatif. Ça va un petit peu, là. Moi, finalement, bon, j'aurais peut-être pas. Je dirais pas ça de même. Mais disons qu'on est censé être. Je veux dire, l'être humain cherche le Saint Graal en dehors de lui. Mais c'est lui le Saint Graal, c'est lui le réceptacle qui est supposé recevoir l'esprit. Tout ce qui est lié à l'externe puis qui n'est pas créatif, c'est de la mort. Tout le temps. Tu regardes les tribus primitives, bon, ils se font des scarifications, puis même des fois, ils vont avoir des traditions qui les autodétruisent, comme en Nouvelle-Guinée, là, de l'affaire de manger des cadavres, puis que finalement, ils pognaient le courroux, puis c'est la maladie de Crucifix Jacob, dans le fond, la maladie de la vache folle, puis ils crevaient. Tu sais, la nature est faite que ce qui n'est pas viable va s'autodétruire. Je dirais, un contenant qui n'est pas capable de recevoir ce qui vient d'en haut, il se défait. C'est des lois naturelles. C'est comme on est composté, là. Puis là, c'est rendu que. Je ne sais plus trop qui avait sorti ça. C'est rendu qu'un Canadien sur quatre, selon un sondage, qui serait d'accord qu'on euthanasie les itinérants. Ah, je trouve ça fort, là. Bon, c'est fort certain. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que s'il y a une grosse crise économique, puis les aléas de la vie, eux, peuvent devenir des itinérants. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est ça. Là, tout d'un coup, ils ne seront plus d'accord. Fait qu'il y en a, ils veulent qu'on composte les itinérants. Ça a l'air que. On a été conditionnés à devenir des eugénistes qui n'ont pas d'amour, dans le fond. C'est-à-dire qui n'est pas lié aux autres. On ne réalise pas que l'individualité, c'est réel. Dans le sens que. De différencier des autres. Dans le fond, c'est l'identité psychologique qui n'est de rien. Dans le fond, en tout cas, je conclurai là-dessus. Non, je comprends ce que tu veux dire. Écoute, le son, il a comme coupé. Bon, oui, ça se peut. Dans les dernières secondes. Mais je veux juste, avant de terminer, t'en revenir avec une question sur le bouddhisme. Par rapport au bouddhisme, le fait que c'est une religion sans Dieu, puis les gens qui adhèrent au bouddhisme vont croire à la notion de karma. Or, qui peut déterminer c'est quoi un karma ou qui doit se réincarner si Dieu n'existe pas ou il y a pas. De juge pour faire ça transcendant. Ben oui, ben ça fait partie de là tout d'un coup, dans chaque religion à un moment donné, on va dire oh, ça, c'est des mystères. Mais l'affaire, c'est parce que c'est une religion. La religion, c'est social. Ça le dit, hein, religare. Ça fait que le contact, il est avec une communauté puis une doctrine, il est pas avec. Le Il réel. est pas avec. Oui, puis aussi ce qui est plus haut que. C'est pour ça une croix, t'as une barre horizontale, puis t'as une barre Vertical. verticale. Le bouddhisme, c'est comme une barre horizontale. C'est ça, une religion qui n'a pas de haut. Il y a juste une gauche et une droite. C'est polarisé. C'est social, puis c'est lié au collectif. Fait que, c'est dans le fond, c'est ça une religion. Dans le sens, c'est quoi la différence entre une révélation et une religion? Une religion, c'est une doctrine, ça vient des autres. Une révélation, ça vient d'en haut. C'est un contact. Ouais, quelqu'un se fait Dans le révéler sens. quelque chose, un vécu mystique, une inspiration, on va dire, divine. Mais tu Ouais, sais. il va prendre de la hauteur puis voir de quoi, mais c'est pas parce qu'il l'a voulu. Il y Non, a une c'est intervention de mal. autre chose de plus haut que l'ego, C'est là. ça qui passe à travers lui, un peu comme parlait le Bernard de Montréal, le principe de la fusion. Mais c'est Ben oui. spécial, ouais. Ben, l'être humain, de la façon qu'il est fait psychologiquement, si la fusion c'était une volonté personnelle, un désir puis un choix, ça voudrait dire qu'il y a un savoir de ce que c'est avant de le vivre. Puis là, ça marche pas, là. Parce qu'il n'y a personne qui voudrait vivre ça en tant qu'ego psychologique. Ça peut juste être en tant que désir subjectif. Donc, c'est des affaires qui te tombent dessus. C'est pas des affaires qui t'entrent dedans. Le réel, oui, tu peux entrer dedans une fois que ça t'est tombé dessus. Mais là, c'est justement le fait que l'affaire, c'est pas qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, ça n'a rien à voir. Je pense sincèrement qu'il y a des, comme par exemple, qu'il y a des Mongoliens ou qu'il y a des gens arriérés qui, dans le fond, sont plus conscients que bien des grands intellectuels. Parce qu'ils ont une sensibilité à des choses réelles. Comme des fois, tu vois des petits-enfants, ils rentrent dans une maison, les parents viennent de se chicaner, mais ils ont vu les enfants revenir, donc ils ont arrêté. Puis là, ils font comme si de rien n'était, mais les petits-enfants, en entrant dans la maison, ils se mettent à pleurer. Parce qu'ils sentent, il y a une charge, ils savent. Il y a une détection intuitive qui ne peut pas être bernée par les propos intellectuels ou les formes véhiculées par les parents. Ben oui. C'est pour ça que quand il était dit, ben soyez comme des petits-enfants, c'est pas dans le sens d'être naïf, c'est dans le sens d'être réceptif. La conscience, c'est une réception. Tandis que l'intelligence, comme l'intellect, ça, c'est une construction. L'intelligence tout seul, c'est un peu comme le systémique, un peu, mais l'intellect, c'est une construction. La conscience, c'est une réception. En tout cas, là, je dis ça de même, parce que je le vois de même. Mais ce que je dis, c'est pas important, c'est plus ce que je veux dire qu'il l'est. Puis même là, c'est pas de l'importance au sens de. Je donne pas d'importance à ça. Si je donnais de l'importance à tout ça, puis à tout ce que je dis, je serais malheureux. Faut que j'en donne pas, puis je suis relativement heureux. Oui, faut être détaché de la forme. Mais quand tu regardes le bouddhisme, qui est une religion athée sans Dieu, puis on va nous dire, ben, il y a des gens qui ont des bons karmas, d'autres des mauvais karmas, mais t'as pas de bon Dieu, entre guillemets, pour déterminer c'est qui va avoir le mauvais karma, ou etc. C'est qui détermine le karma à ce moment-là? La mécanique. OK, donc c'est autorégulé. Ouais. Ben dans le fond, le bouddhisme, c'est mécanique. Comme on le véhicule, là, c'est de la mécanique, ça. C'est-à-dire, bon, ben, t'agis de même, t'accumules un mauvais karma, t'agis de même, t'accumules un bon karma. Fait que ça devient comme. C'est comme la Tu dé... comptabilité, tu as un débit, tu as un C'est ça. crédit. Ben oui, tu dépenses, tu accumules des dettes, puis tu t'économises, tu accumules de l'argent. C'est de la mécanique, ça. Fait qu'eux autres, dans le fond, ben, c'est des idolâtres parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a au-delà de la nature. Ils ne voient pas l'intelligence au-delà, ils voient juste l'intelligence du système. Puis encore là, C'est c'est comme. les. Ouais. Fait que là, ils... Ouais, je comment te laissais t'allais parler. dire ça? Ben, tu dis l'intelligence du système, mais moi j'aurais le goût de dire de la pseudo-intelligence. Ben oui, parce que ça finit que ça devient, c'est de la philosophie. Il y en a, je pense que c'est Mathieu Ricard, il disait, le bouddhisme, c'est pas une religion, dans le fond, c'est une philosophie. C'est une des choses que je suis d'accord avec lui. Puis je veux pas, à mes yeux, Ça dit tout, là. Comme il y a des philosophes que j'aime bien, parce qu'ils ont mis le doigt sur des affaires, mais je le sais que c'est pas des prophètes. Un prophète, là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Dans le sens que même quand il a tort, il a raison. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te tromper. Il y en a eu, semblait-il. Tellement que les rois tremblaient de peur en avant. Les prophètes Parce que. d'Hésitie, tu l'entends-tu dans le sens d'initié? Non. OK. Ben c'est quoi le sens que tu vas donner au mot prophète? Ben, tu vas avoir une intelligence supérieure qui sert d'eux. Lui, c'est le porte-parole. OK. C'est pour ça, dans le temps, quelqu'un qui prétendait être un prophète, puis qui disait, ben, il voulait le tester, il y avait des tests pour voir si quelqu'un était un prophète, puis des fois ça durait longtemps. S'il disait demain matin à midi, il va pleuvoir, puis que le lendemain matin à midi et 5, il se mettait à pleuvoir, il lapidait. C'était jusqu'à ce point-là, là. Donc, il y a certains prophètes qu'il y a eu que tu pouvais rien faire, ils n'ont pas réussi. Il y en a même un, je me rappelle plus lequel, il a montré un autel en pierre, puis il a dit, elle va casser, puis l'autel a fendu, puis ton. C'est des affaires, c'est au-delà de l'entendement. Parce que c'était pris tellement au sérieux, ça prenait pas grand-chose, tu finisses d'une fosse avec des roches par la tête, là. Fait que quand il en tenait un, il était sûr. Puis, tu sais. Tellement que même des rois d'autres nations, des fois, comme l'histoire de Daniel, avec Nabucodonosor, puis, tu sais, c'est des affaires, oui, c'est des vieilles histoires, puis oui, on ne peut pas vérifier. Mais il reste que il y a quelque chose là. C'est-à-dire que des fois, ça arrive, on dirait qu'il va se manifester un bonhomme, puis il y a de quoi lier. Il y a de quoi qui à travers lui, lui, il est le support de quelque chose, puis il n'y a rien à faire. Ouais, ça, Il c'est... va. Ouais, je comprends. Il est tout simplement, j'allais dire, l'outil, entre guillemets, de Dieu ou d'une divinité, là. Ben, ce qui est quoi de plus haut que même essayer de le définir, ça devient être subjectif dans le fond. C'est pour ça que. Même, je pense qu'au fond, les Juifs, ils n'ont pas de mot qui l'équivalent de Dieu. Ils disent pas ça, Dieu. Ils vont dire Hachem. Puis même là, ça veut. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de dire les autres noms. Fait qu'ils vont dire, comment qu'on pourrait dire ça? C'est un euphémisme. Parce que tu peux pas dire d'autres choses. C'est un peu comme là au-dessus, il dit le Tao qui peut être défini, c'est pas le Tao. Le Tao qui peut être décrit, c'est pas le Tao. Donc, c'est quoi le Tao? Le Tao que tu peux nommer, c'est pas le Tao. Ben, c'est qu'est-ce qui est par-delà la forme de qu'est-ce qui est nommé, donc la vibration. C'est ça. Fait que là, on est dans le monde du tellement subtil. Mais ces affaires-là, le chemin, il peut descendre par en bas, parce que c'est subtil. On vit Ben, dans un monde de contenants. mais est-ce que tu te considérais comme étant agnostique, c'est-à-dire la gnose, le savoir serait pas accessible pour toi? Non, je me considère ni comme agnostique, ni comme gnostique, ni comme croyant, ni comme incroyant, ni comme athée, ni. Je me considère pas. Le moi que je peux considérer, c'est pas le vrai moi. Okay. L'identité que je définis, c'est pas la vraie. Parce que là, c'est resté dans le psychologique, c'est resté dans l'intellect, c'est resté dans de la philosophie. Ouais. Moi, à mes yeux, je vois pas de contradiction là dans rien. C'est juste la forme qui rend ça tout contradictoire. Mais à mes yeux, les Juifs, ils ont mis le doigt sur des affaires, puis ils ont été en contact avec des affaires, de la même façon que les Chinois, de la même façon que les Hindous. L'humain, c'est l'humain. C'est juste qu'il est dans un monde qu'il n'a pas le choix d'avoir le truchement de la forme. c'est là qu'il se fait pogner. Mais il reste que, qu'on le veuille ou pas, c'est le contexte qui fait que c'est changeant. Mais ce qui est au-delà du contexte, ça n'a pas le choix d'être la même affaire. Ouais, Donc, ben, ouais, si on pense au champ quantique ou le plan nouménal que va parler Emmanuel Kant là, entre la distinction entre nouménal, phénoménal ou le plan éthérique, c'est cet élément-là qui part de là, le manifeste qui va influencer le système, puis ben, les noumènes qui nous mènent, puis ouais. les anges déchus, les anges du paradigme. Donc, c'est tout le temps une affaire de vision limitée. Puis, l'orgueil, c'est de penser qu'on est illimité dans notre vision. Ça peut pas être réel. On est dans de l'espace-temps, là. Ben, à un moment donné, on n'aura pas le choix de faire face à quelque chose, là. Ben on est tôt ou tard, Comme... ouais, on va être confronté aux limites de l'univers. Je veux dire, notre Soleil a une durée de vie limitée. Après un Ben certain nombre oui. de milliards d'années, il va donner une supernova puis il va exploser. Ben là, on peut être là, on va, avant d'être confronté à ça, on va être confronté, on va mourir avant le soleil, là, Ça, c'est clair, en là. tant qu'individu. C'est ça, mais je vais le T'sais, parler en termes même les d'humanité. Juifs savent qu'ils vont dans l'astral. Si tu demandes à un rabbin, les Juifs vont tout en enfer, il va dire, ben oui. Ça dépend là, du rabbin, puis de comment il interprète les mots, mais oui. Eux autres, dans leur tête, tu montes à Olam Abba, tu fais face au trône, puis là, je ne sais pas combien de temps, puis après, pouf, ils te redescendent en bas en attendant que... Parce que même après la mort, tu es prisonnier d'un espace-temps encore, mais plus subtil un peu, donc ils savent qu'ils vont dans l'astral. Mais tu es en attente de traitement de ton dossier. Je fais des Ben, faces. c'est un reflet... C'est parce que c'est transitoire, fait que c'est un reflet du plan matériel. OK. Donc, tu es un temps dans ce plan-là qui est fait de mémoire de l'expérimental. Fait que c'est pour ça qu'eux autres, c'est pour ça que toutes les cultures ils ont défini des façons que quand tu sors, ben, qu'ils ont essayé de trouver des trucs pour essayer de passer out. Comme la cérémonie de l'ouverture de la bouche des Égyptiens. Puis c'est toutes des affaires pour essayer de sortir de l'astral. C'était un peu comme les pyramides chinoises avec, avec du stock dedans pour que l'empereur ait des serviteurs dans l'autre monde. Puis c'est une façon d'essayer de s'en sortir dans cet autre monde-là. Parce qu'il reste que c'est rien que des humains pareils. Fait que là, à un moment donné, rendu l'autre bord, t'es tout nu, là. Tu peux avoir la mémoire de ton linge, mais c'est tout. C'est pas réel. C'est de la mémoire de l'expérimental. C'est enregistré dans l'électromagnétique de la planète. Mais c'est sûr que ça va être détruit, ce plan-là, à un moment donné, parce que comme tu le dis, que maintenant le soleil, puis tout, bon. Fait que cette énergie-là, cette mémoire-là, cette information-là, il va falloir qu'elle soit transférée ailleurs. Oui, exactement. Là, ça... Moi, ça... ouais. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que dans les années 1800, il y avait eu une activité solaire intense qui avait mis en échec le réseau de télégraphie sans fil. Puis que si le même incident serait produit aujourd'hui par rapport à tout ce qui est satellite électronique, on serait dans le gros pétrin. Oh, les masses. Ouais. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont des moyens de communication plus sophistiqués que ça. Fait que bon, s'il arrive une affaire de même, c'est les civilisations en tant que masse qui vont être dans le pétrin. Ceux qui savent, ils vont s'être arrangés. Mais là, il dit qu'il y en a qui allaient se creuser des grottes puis crever dedans. Ça veut dire même ceux qui savent sont. Moi, je le vois de même, là. Mais même là, moi, je m'en fais pas avec ça. C'est pour. Non, La civilisation qu'on a, c'est sûr qu'elle va s'effondrer. Il n'y a pas une civilisation sur Terre qui s'est pas effondrée. Elle se succède. C'est des cycles de vie puis de mort. Fait que je veux dire, c'est comme un enfant.

d'autres esprits, d'autres âmes. Ben oui, ben c'est sûr, si tu es en interface avec les gens qui t'écrivent ou avec lesquels tu discutes là, quand tu fais des enregistrements samedi matin, ben ça participe à dynamiser, là. Ben oui, ben, comme ayant pas d'enfant, je le sais bien que c'est pas la technologie qui va me rendre immortelle conscience d'une certaine façon, mais c'est bien plus un support parce que d'autres consciences l'aperçoivent. Je peux pas être tout seul parce que c'est une illusion, là. Dans le fond, Mais en même temps, tu peux tu sais. accoucher de toi-même à travers la parole dans un sens. Oui, mais ça serait pas possible si j'étais tout seul. C'est comme, mettons, il y aurait un dernier humain, puis tout ce qui reste pour immortaliser sa confiance, c'est José avec ChatGPT. Ça marche pas, là, il est déjà mort. C'est ça, mais on peut jouer avec les mots, puis on peut dire dans un sens que tu as toujours été tout seul. Dans le sens que il n'existe qu'une seule réalité, un seul champ quantique, et il n'y a qu'une conscience, mais avec un coefficient d'individuation multiple qui nous donne l'impression qu'il y en a plusieurs, mais en réalité, si on creuse, comme il n'y a pas de séparation ontologique absolue entre les différents êtres, on peut dire que c'est comme le même champ d'énergie qui nous englobe tous, puis les autres Ben ne oui. sont que d'autres facettes de soi-même. L'espace-temps, je le vois comme des ténèbres qui divisent la lumière en particules. Donc, jusqu'à un certain point, on a toutes la même source. Fait que l'autre n'est pas différent de moi, il est différencié, c'est pas pareil. Exactement. Puis autrui, sur le plan absolu, n'existe pas, dans le sens qu'il n'y a pas de séparation ontologique absolue entre toi et l'autre, vu que c'est le même champ d'énergie, un peu comme les mêmes gouttes qui composent le même océan. Dans le fond, c'est de revenir à ça, c'est peut-être ça, là. Aimez-vous les uns les autres. Puis l'idée est que le diable, c'est celui qui divise, qui sépare. Donc, faire, c'est de. Si l'intelligence s'individualise en conscience avant de revenir à l'intelligence, c'est peut-être ça le processus évolutif. Tu sais, c'est déjà pas mal plus profond puis réel que de sortir de la mécanique par de la mécanique pour se refondre dans le cosmique. Comme des bouddhistes, dans le fond, ils vivent pour rien. Si tu regardes ça de certains points de vue, leur félicité, c'est une dissolution. Le nirvana. C'est que on a enduré tout ça, tous ces processus-là évolutifs dans la matière pour se refondre dans le cosmique. Y a de quoi là-dedans qui. Allô? Oui, ben je t'écoute. En fait, OK. dans le fond, des fois, je perds un petit peu le son, mais en lien avec ce que tu dis. C'est comme le principe que tu es comme dans la matière, mais il faut que tu te détaches de la matière pour ensuite atteindre une espèce d'état de réalisation, mais tu n'es pas conscient de vivre ça parce que ton ego est dissolu. Ouais. Ben, tu sais, c'est pour ça que jusqu'à un certain point, il y a beaucoup de gens qui vont aller vers la spiritualité. Ils vont rester enfermés dans le psychologique, puis ce qu'ils vont y trouver, c'est du désespoir. C'est pas réel, la religion. Ben Dans non, le mais. sens, je parle de phénomène social. Ouais. La doctrine, tandis que le contact à l'autre, ça c'est réel. Mais pour ça, il faut voir. C'est une question de. Dans le fond, là, juste voir c'est un contact. Mais si c'est par le truchement du monde des idées, c'est-à-dire l'astral puis des doctrines, ça nous divise, puis c'est tout. Pour ça que. Il y a tellement de gens dans les ordres religieux qu'au fond, quand on les regarde aller, on se rend compte qu'ils sont dépressifs, sont malheureux, ils se mortifient, sont morts, ils sont vivants, mais ils sont morts, ils vont vers la mort. Mais paradoxalement, ils croient faire ça pour atteindre un niveau de vie supérieur. C'est comme si on était un reflet dans la matière. Puis finalement, on voit à l'envers. C'est étrange, hein, mais c'est comme là, on est en train de se créer un dieu de matière. Le Alors, golem qu'on parlait tantôt, c'est ça. qui peut être dans un C'est. certain sens l'archétype de l'intelligence artificielle puis des mémoires puis le big data qui prend de plus en plus d'ampleur à l'époque actuelle. C'est comme une lourdeur créatrice de masse au cœur de la matière. Le seigneur des mondes souterrains. On regarde le reflet du ciel dans le lac. En tout cas, moi, je conclurai là-dessus. Oui. Donc, écoute, merci pour cet entretien encore une fois. Et C'est moi puis, qui te remercie. wow, ça fait plaisir. Ben, j'ai dit pas mal de choses, j'aurais pas été capable tout seul. Ah, ben, merci. Ben, c'est sûr que quand j'interviens, j'essaie de t'amener plus loin par rapport à certains sujets ou amener les choses sur certains angles. Fait que je pense que si ça t'a servi, dans le fond, à voir d'autres choses, ben à ce moment-là, ben c'est intéressant parce que ça me confirme dans mon rôle d'intervieweur auprès de toi au fil du temps. Donc, excellent. Écoutez, pour les gens qui nous écoutent, ben c'est ça, si vous voulez entendre d'autres enregistrements avec Berthold, c'est possible de le faire sur sa chaîne YouTube et également sur ma chaîne, étant donné que j'ai fait avec lui au fil des ans là, de nombreuses entrevues qui sont là. Et donc, je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye.